Salut, c'est Partenaire. Salut, c'est Particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Eh bien le bonsoir à tous, bonsoir à tous nos amis RQC1 et RQCN dans l'émission 80 à l'heure, comme tous les mardis soirs évidemment de 20h à 22h30. On est... Mon rêve s'est exaucé, nous sommes équipe complète, ça c'est beau, ça c'est très très beau. Bah déjà la semaine dernière. Ouais, non mais ça devenait rare, il y a eu des moments pour des raisons de santé, pour des raisons professionnelles, pour plein de raisons... Et qu'est-ce qu'il y a, Flip 4 ? Non, mais tu fais des gestes, ça va, explique tes gestes, vas-y. Non, pour raison professionnelle, vie privée, et puis je faisais avec le verre... L'apéro ? Ouais, voilà. Non, parce que je pense que c'est vrai, c'est pour des raisons professionnelles. Si Onissa n'était pas avec nous, c'est parce qu'effectivement... J'étais malade. Bah oui, non, je plaisante bien évidemment. Bah, je suis content de vous retrouver. Elle a eu très mal. Alors, on va... Je m'en souviens plus. Et bah d'ailleurs, on va commencer par Onissa. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça va bien et toi ? Ah bah ouais, quand je suis avec vous, je suis trop bien. Vous avez vu le sourire quand même qu'elle a ? Ouais. Alors, je me demande si des fois elle a pas 52 dents. Et vraiment. Ouais. Sérieux. J'ai peur. Elle a 32 dents et 2. J'ai pas dit 52 ans, j'ai dit 52 dents. Au départ, j'ai compris. Non, 52 dents. Non, mais honnêtement, elle a un sourire merveilleux à regarder là. Non, sur elle a Internet. Pas 52 dents, non. Elle en a eu 7 une fois, elle a dit non. Non, sérieux. Et je vois que tu as préparé une chronique pour ce soir. Bah, tu l'as demandé que pour toi en plus. Ah, alors rappelle-moi, c'est quoi déjà ? Rémi, sans famille. Mon Dieu, on va pleurer. Ah ouais, j'adore. Écoute, j'ai appris encore plein de trucs, mais j'hallucine. C'est vrai. Mes souvenirs d'enfance sont pas du tout par rapport aux recherches que j'ai faites. Il y a plein de choses que je connais. Ah bon, on apprend des choses, hein, c'est clair. Hein. Ouais, complètement. Bah, ça, c'est bien. Ça, elle va nous parler de Rémi sans famille. Et ça va nous faire plaisir et ça va faire plaisir à nos auditeurs, bien évidemment. En parlant de sans famille, nous sommes également avec Canon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Non mais sans famille, c'est... Sans CENT, évidemment. Sans famille. Canon, alors lui c'est... C'est the ma star. Famille et le monde. C'est... Voilà. All the stars. C'est beau. C'est beau. We are the world. Ma famille et voilà. Le monde. Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va bien. Tu nous as préparé un petit truc? Non, mais je vais vous parler de l'actualité. Je vais vous parler de Fabricio Zeva. Je vais revenir sur le petit Courtrai et vous parler aussi d'une star internationale qui se produit prochainement. Moi. Tout ça parce qu'il passe la frontière d'Erzo. C'est international. Non, on parlera un peu de l'actualité. Bien Il y a sûr, des choses ouais. qui vont se passer là prochainement et puis voilà, ça va être sympa. Ok. Si vous aimez la musique, si vous aimez les chanteurs, chanteuses, choses comme ça va être assez sympa. Moi, j'ai eu des retours d'un certain resto qui s'appelle le Touareg. Oui. J'ai eu de très bons retours puisque. Moi je connais des gens qui sont voisins et qui ont adoré ça. Apparemment ça se renouvelle, je sais pas pourquoi, mais ça devrait. On se demande pourquoi d'ailleurs. Mais on en reparlera bien évidemment. Avec le chanteur qui se renouvelle pas. Bah oui, évidemment. Qui se reproduit, c'est tout. Allez, on va continuer avec le plus. Allez, le plus stable de nous tous. Sherlock. Oui. Il se sentait visé, Flip 4. Non, je me disais... Il avait quand même l'air interrogatif. Ouais, exactement. Le plus stable. Là, je me suis parlez moins fort, les mecs. Parlez moins fort. On vous entend très bien dans les micros. Parlez moins fort. Ok, merci. Ça marche. Ok, chef. Ah bah, c'est okay, Sherlock. Chef. Bonsoir, Sherlock. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Marine. Alors, donc, effectivement, toi, ce soir, on te retrouve pour deux chroniques incontournables. Oui, qu'on pourra contourner. J'y reviendrai après, mais pourquoi tu vas les contourner? Pas aujourd'hui. Tu seras prêt. Mais voilà. Il t'annoncera ça après. À 21h, il y aura la chronique Ciné Rétro 80. Oui. Avec un film de... Je vais te le dire en direct. Le malin, ouais. 89. Ah, bien. En général, on fait ça en tournant sa chaise. Ouais, bah ça, là, comme je ça, pas, sinon je suis non, mais comme ça, par non, mais au moins comme ça, t'es incontournable. C'est vrai, incontournant surtout. Eh ben, si ça commence comme ça, on est mal. Et ensuite, donc à 22h, je ferai les sorties ciné. Ouais, ça marche. Voilà. Tu vas nous donner vraiment envie d'aller au ciné, je pense, souvent, parce que. Il y a un bon programme. Je vais revenir dessus parce que là, Je t'avoue que moi, Sherlock, je dis, si tu me donnes envie, je ne posterai pas les photos que j'ai faites il y a 3 semaines de toi en train de faire mon capitaine ou mon capitaine debout comme une poule sans la table, parce que je les ai toujours. Oui. Bah oui, je les ai. Toujours en décalé. Les cold case, c'est toujours plus sympa, c'est les gens qui disent. Bon, bah ok, bah y a pas de souci, c'est noté. Alors bah tiens, on parlait aussi de dossier. On parlait de dossier. Je suis retombé sur une belle photo où on fait tous les deux une grimace de je sais pas quoi. Il y en a un qui s'est amusé à nous transformer avec Flip 4. La photo où on est à deux. Oui, je me souviens. Où on a deux têtes de troll. Oui. Oh, j'ai jamais vu. Ah non, celle-là, c'est l'original. Non, c'est la fois où on s'est amusé avec son iPhone. Ouais, c'est... Pour les auditeurs, c'est qu'on avait fait une émission, puis il m'avait piqué il s'amusait à se faire des selfies, donc je les ai récupérés sur Photoshop. Des selfies des chocs. Et il nous a transformé. Et je les ai améliorés. Oh, génial. D'accord. Tu regardes dans les photos, tu vas voir. T'as déjà vu un cul? Bah, ça n'a rien à voir. Sauf qu'on n'a pas de poils autour de la bouche, mais voilà. Philippe Cade, bonsoir. Bonsoir. Ah, lui, par contre. Ah, pardon. Lui, par contre, quoi? À des poils autour de la bouche. Ça va, si, bien, et toi? Ouais. Alors, tu vas nous faire une chronique. Ouais. Alors, par contre, j'ai rien. Je sais pourquoi je choisis ça, en fait. T'as choisi quoi? Parce que en fait, je devrais noter un petit peu, parfois, quand vous faites des suggestions. Ouais. Et on avait fait, je sais plus à quelle occasion, une parenthèse sur ce groupe australien. Ben, je vais vous parler de Rose Tattoo. Rose Tattoo, ah, oui. Ça me dit rien. Je me souviens. On en a parlé la semaine dernière, je pense. C'est vrai. Voilà. Alors, je connais Rose Lawrence, mais Rose Tattoo. Ouais, moi, le nom me dit quelque chose, mais alors par contre, je saurais pas te sortir. Ah, bah, c'est bien, on va découvrir plein de choses. D'accord, oui, parce que quand Rose Lawrence se mettait nue, tu disais, oh, dis donc, Rose Tattoo. Voilà. Oh là là. D'accord. Bon. Et toi, t'as 6 PO, ta gueule. Bon, avant de parler de nos week-ends respectifs, parce que on a fait plein de choses, hein, chacun d'entre nous, évidemment. On va se faire T'as fait le tracteur, toi. Moi, j'ai fait le tracteur. Là. Fou, ah oui, c'est vrai. L'amour est dans le pré. Ouais, sauf qu'il y avait le pré, mais pas l'amour. on va continuer en musique. Oui. Alors, avec un titre de Daniel Balavoine, c'est L'Aziza. Ouais. Parce que aujourd'hui, indirectement, c'est l'anniversaire de quelqu'un qui nous a quitté. C'était Thierry Sabine, qui était le fondateur du Paris-Dakar. Ils étaient ensemble d'ailleurs. Hein. Voilà. Ouais. Donc je me dis un Balavoine pour lui rendre hommage. Ouais, quand même. Et ensuite un petit Simple Minds avec Don't You, parce que c'est également l'anniversaire de Ali Sheedy qui a joué dans Breakfast Club. Ah oui. Ah ouais. Et c'était lequel lui? C'est une fille. Ah, pardon. Oui. Ça commence fort, cher ami. Ah, ouais, d'accord. Non, mais Sabine, donc, comme il n'y a que deux filles dans le groupe, je te laisse chercher. Je me rappelle des CBS, mais le reste. Donc, Ali Sheedy, je crois que c'est la brune qui est complètement introvertie. Peut-être. Thierry Sabine était simplement organisateur du truc. Il était pas, je croyais que c'était un écrivain. Non, je blague pas. Je croyais que c'était un écrivain de chansons, non? Non, il y a. Thierry Sabine, c'est une bonne question, je ne sais pas. Non, c'est. Ah, non, mais Thierry Sabine, ça me parle. Mais il était dans le Dakar maintenant. C'était l'organisateur, ça, je me souviens. C'était l'organisateur du Dakar. Mais il était agriculteur, par contre. Et Thierry Sabine ? Non, mais bon. Oh. Allez, et Daniel aussi, parce que Daniel Balavoine. Voilà. Ah, il y en a un qui rebondit. Merci. Il y en a qui suit. Je me dis, il y en a un qui va suivre. C'est bien. Mais là, cette fois-là, il est pas parti avec les moissonneuses battles. Ils sont partis en fait avec des pompes à eau. Et ils sont revenus avec les pompes funèbres. Ouais. Oh, et voilà. Et maintenant, les mecs. C'est votre faute là. Les mecs, ils mettent des hélicoptères à l'envers parce qu'il paraît que ça a Balavoine. Allez, après les grossettes, les petites têtes. Allez, à toi de jouer. Après les chopis, les grimpis. Ouais. Ta couleur et tes mots, tout me va. Salut les petits clowns, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Et vous allez écouter Don't You Like Simple Minds. J'espère que vous allez bien, que vous préparez bientôt les vacances. Ça fait bien, ça fait RTL. Ça fait surtout le mec est rapide. J'ai bien aimé Don't You. C'était vraiment une musique qui a fédéré tout à un moment. Vous vous souvenez bien de cette musique? Ça a vraiment fédéré un ensemble de personnes. Moi, je me souviens voir des punks. C'est vraiment une vision que j'ai. Je pensais à ça. Des punks danser sur Don't You. À côté de ça, il y avait, comment on les appelait, enfin, New Wave, Gothic et tout ça. À côté de ça, t'avais des petites filles bien mises et les machins, tout ça, et tout le monde s'accordait sur cette musique. Pourtant, elle est pas assez presque entre le slow ou le côté un peu rythmique. C'est pas soutenu. Sur Don't You, c'est pas très très rythmique. Non, c'est vrai. Danser là-dessus, c'est pas terrible. Et c'est vrai que les mecs étaient beaucoup plus aériens. Alors ça paraît ridicule maintenant, mais je me souviens de Don't You, c'était vraiment une. Mais est-ce que tu te rappelles Ça shout. Est-ce que tu te rappelles du film au moins? Non. Et beaucoup moins. Et ça, c'est marrant. Hein, le film Breakfast Club, ouais. Et ouais, c'est carrément, c'est la musique du film Breakfast Club. Mais ça, ça me parle, mais je me souviens. Alors moi, je l'avais jamais vu avant de le faire pour la chronique, tu vois. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. D'ailleurs, Sherlock nous avait fait le plaisir de nous faire une chronique sur le film Breakfast. Ah oui, c'est pour ça que ça me parle. Bien sûr. J'ai pas vu. Mais je vous invite à le voir parce que honnêtement, c'est vrai. On est carrément dans les années 80. Ouais, c'est le film. C'est ni plus ni moins que l'histoire de gamins qui sont. Enfin, gamins. Des adolescents. Des lycéens, je crois, qui sont collés. Tu l'avais mis en ligne, celui-là? Parce que je t'avoue que j'en télécharge 3,5 sur 5, ça me parle pas. Mais de toute façon, tu peux le retrouver. Il y en a que j'ai déjà vu, je pense que c'est à l'époque où. Cocoon, grâce à toi, je l'ai redécouvert. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, comme je l'ai vu, ça me parlait plus du tout. Alors, je sais pas si on peut le retrouver, mais par contre, moi, si tu veux, je peux te le prêter. Mais j'en avais déjà parlé, je l'ai, moi, parce que j'adore Breakfast Club. C'est un film avec d'ailleurs le frère. J'ai plus de VHS, moi. Vas-y, aide-moi. Emilio Estevez. Ouais, et c'est le frère de. Charlie Sheen. Voilà. Et le fils de. Martin Sheen. Voilà, absolument. Voilà. Et oui, non, mais vous connaissez. Oui. On est allé manger la semaine passée. Martin Sheen. Martin Sheen. Martin Sheen, ouais. Non, t'es parti manger chinois plutôt, tu veux dire. Non, j'ai pas mangé chinois. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Qu'est-ce que ça fait de beau ce week-end? Calme. Ah, c'est vrai, sérieux. Non, j'ai pas bougé dimanche, ouais. Pour une fois, ça fait drôle, ouais. Ah, d'accord. Ouais, ça fait du bien aux autres. T'as récupéré un petit peu. Il y a eu des concerts où ils ont dû déployer moins de sécurité. Voilà. Ils savaient que tu venais pas. Voilà. Pour une fois, ils ont fait 1000 personnes. Mais c'est vrai que c'est rare que tu. Alors, par contre, si je peux me permettre, j'ai fait une chose qui est exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle dans tous les sens du terme. T'as fait l'amour ? J'ai fait la fête. Ça y est ? Non, pas du tout. T'as dit dans tous les sens du terme ? J'ai fait l'amour avec un public, en fait. C'est beau. Oui, c'est très beau. Et même parfois, et d'ailleurs, Canon, tu vas pas me contredire ou me contrarier là-dessus. D'accord, c'est que je te contrarie. Parfois, quand on est sur scène, on a parfois un peu plus de plaisir que quand on était avec une femme. Point. Je ferme la parenthèse. Oui. Enfin bref. Quand je chante. Voilà. Non, mais oui. Mais même la communion avec le public, c'est super génial. Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'était différent puisque c'était la fête du village de Saint-Guin-Mélantois. Oui. Alors, je sais pas si vous savez où c'est. Oui, tout à fait. Oui, je connais. Voilà, du côté de Villeneuve-d'Ascq, c'est un petit peu plus loin. Voilà. Et juste à côté de Péronne en Mélantois. Hein? À côté de Péronne. C'est vrai, c'est à côté de Péronne, c'est possible. Moi, je me suis arrêté à Saint-Guin. Tout est distant de 60 km. Voilà. Et c'est un petit village où il y a 2500 habitants. Voilà, pas plus que ça. Et ils font une fête donc tous les deux ans, qui est la fête du village. Et j'ai eu le plaisir avec un ami Hervé qu'on connaît, que Canon connaît d'ailleurs. De la troupe Évasion. De la troupe Évasion. Et d'animer donc. La fête du village. La fête du village. Non, mais c'est exceptionnel. Ça, c'était exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Pour plein de choses. Parce qu'on a découvert des trucs. On ne savait pas que les défilés de tracteurs ça existait, et là il y a eu un défilé de tracteurs. Moi je le savais. Ah ouais, mais c'est énorme. Énorme. Il y a des concentrations de. De Ferguson, par exemple. Je ne connaissais pas cette partie-là. Massé Ferguson. Massé Ferguson, Lamborghini. On a eu un tracteur qui datait de 1949. Des tracteurs qui marchent à l'huile lourde aussi. Mais rebondissez sur ça, Lamborghini, tu le dis, mais c'est vrai. Toi qui me l'as dit ou je sais plus quoi, mais on en a parlé. Lamborghini était très vexé, il faisait super tracteur, et quand il a vu arriver le truc et Ferrari était vexé une fois, je sais plus ce qui s'est passé. Il a acheté une Ferrari, Ouais, c'est ça. Et en fait, quand il a eu des problèmes, parce que c'est pas spécialement fiable, et en fait, dans sa tête, comme il a été hyper déçu, il a voulu montrer qu'il était capable de faire autre chose que des tracteurs, s'est lancé dans la production de voitures de luxe, et son optique. Son but c'était de rivaliser avec Ferrari. T'imagines le mec dans son atelier pendant un an et demi, il a dû chercher des trucs pas possibles, et un jour il te lance les Lamborghini quoi. C'est formidable. Tout simplement pour que tu vois, on parlait de. Ah ouais, qui a un rapport avec. C'est le taureau, le Mura en fait. C'est quoi? Le Mura, c'est la race de taureau italienne. C'est la race de taureau, et c'est ce qui, d'ailleurs, qui a donné son nom à une des modèles de Lamborghini. La Mura. Alors, ceci dit, on a moins fait le malin, c'est parce qu'il fallait présenter tous les tracteurs, et évidemment, moi et mes connaissances agricoles, c'est pas forcément évident. Donc il y a eu un défilé des géants aussi, également, génial. Qui venait un peu partout. Il y avait un groupe qui venait donc de Villeneuve-d'Ascq qui s'appelait les petites mascottes de Villeneuve-d'Ascq, les géants qui venaient de Sizouin. Il y avait aussi également donc un géant qui s'appelle Moukil, Mokil. Mokil, donc c'était un gamin géant. Aïe, ouais, bah, Mokil, déjà, tu vas présenter Mokil, pardon. Mokil. Donc après, évidemment, on pose des questions pour savoir pourquoi Mokil. Alors, elle te rappelle, crotte de nez, machin. Enfin, bref, vous savez ce que c'est qu'une Mokil, évidemment. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Ensuite, mais c'était assez impressionnant parce qu'on avait l'impression de se retrouver dans la petite maison dans la prairie. Donc, les activités, que tu fais très bien. Mais ouais, non, mais les activités, c'était la course en sac. Ouais, mais ça, c'est sacré. C'était une mini ferme avec une zébu. Ouais, mais c'est ça, mais les enfants ne connaissent pas. C'est quand zébu, zébu soif. Ouais. Merci, bah, Hervé Lafette, tiens, tu t'entendrais bien avec Hervé. Charles Quebon va faire le concours des blagues nulles. Et donc, il y a eu toute l'animation toute l'après-midi jusqu'au bord de soirée avec le lâcher de ballon. Enfin, on reste vraiment sur une activité champêtre et j'ai trouvé ça mais vraiment très humainement très enrichissant. Vraiment. Ah oui, oui, non. Oui, et puis tout le village se retrouve, c'est important. C'est énorme, énorme. C'est encore une tradition comme dans le temps, quoi. Ouais, ouais, ouais, complètement. C'est vraiment des fêtes. Et d'ailleurs, je salue le maire au passage avec qui j'ai fait connaissance, un monsieur Ducrot. Qui se décarcasse pour faire cette fête. Je l'ai pas dit. Bah ouais, je l'ai pas dit. Mais ouais, mais évidemment. Évidemment. Il paraît qu'il était en jambes. Hein. Et ceci dit, c'est quand même encore le genre d'endroit où vous allez retrouver un des producteurs de fraises qui va vous faire une charlotte aux fraises de 4,50 m, par exemple. Voilà, voilà, c'est le truc sympa. Là, je commence à aimer. Voilà. Faut être un bon non, mangeur, vraiment. Et donc, il y a aussi des groupes musicaux qui viennent. Et là, c'est très intéressant. Pour le coup, j'ai rencontré, enfin, je connaissais déjà ce groupe. J'avais oublié qu'ils existaient. C'est les King Stompers. Je sais pas si vous connaissez, mais ils sont passés sur Waterloo. Ils passent un peu partout. Les rois des timbrés. Stompers. Je sais pas ce que ça veut dire. Stompers, non, plus, Stompers, c'est le fait de taper des pieds, oui, je crois. Ah, ah oui, d'accord. Ouais, c'est ouais, ça, ouais, c'est ça. Les King Stompers. Et c'est un groupe vraiment. J'ai hâte de les rencontrer à nouveau. C'est vraiment le petit groupe jazzy. Mais jazzy version New Orleans, vous voyez. Ah oui, oui. Ils sont avec le, ah, le banjo, le machin. Et... Ah, ça doit être excellent. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'était génial. Et donc voilà, je voulais vous en parler. Et d'ailleurs, j'espère inviter quand même les King Stompers. Ah, ça serait sympa. Ah ouais. J'adore. Des fous, c'est des vrais fous. Ah, mais des c'est vrais fous. Et on a quand même eu un jour la rétro fanfare de Waterloo, donc on risque rien. Alors ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est différent. C'est complètement différent. Mais d'ailleurs, il y a des points communs, c'est qu'il y a des gens de la rétro fanfare jouent aussi dans ce groupe-là, mais c'est un peu. Ouais, ouais, bah oui. C'est pour ça que je te lance la perche. Bah oui, il y en a un. Ouais, effectivement, il y a un point commun. Il y a un point commun. Oui, oui. Il y a un des trompettistes qui fait ouais. partie aussi de Rétro Fanfare et qui fait partie des King Stompers. Et c'était une belle après-midi. Et honnêtement, ça a très très bien marché. En plus, il y a fait une chaleur, oh ouais, un temps du feu de Dieu. Du feu de Dieu, donc voilà, donc c'était la fête du village. Mais je te rejoins parce que la moitié du temps on est citadins, on a l'habitude des trucs bien structurés. C'est ça. Vous savez, je viens de Bretagne, c'est pareil, j'étais dans des trucs parfois, je me dis oh là là, ça va être quoi. Et tu sais, du lancer de bûche ou des trucs comme ça de 4-5 kilos. Oui, exactement. Bon, j'ai un peu de bras, j'arrivais par rapport à des Bretons qui sont 40 cm de moi avec des bras, on dirait. Et les mecs ils projetaient ça à 12 mètres, j'arrivais même pas à la lancer à 3 mètres. C'est un peu ça. C'est oui, le c'est... Moi j'aimais bien, c'était le lancer de nain. Ils font faire des tirés de corps. J'ai tiré à la corde avec 20 mecs et tout ça. C'était ma première expérience hétéro avec 20 mecs. Non, avec des Bretons à tirer la corde, vous savez, des trucs de champêtre. Mais c'est là que tu tires juste la corde. Ouais, Myriam Lacorde, elle s'appelait. Non, mais on le disait à l'instant, on rigolait pas, le lancer nain, ça existait, ça a été interdit. Oui, ça a été interdit. Moi, je trouve ça lamentable. C'est lamentable. Oui, mais ça, c'est dans le. Et d'ailleurs, au passage, tu fais bien de venir, j'ouvre une parenthèse, mais là, c'est pas du tout marrant, mais vous êtes au courant pour Mimati quand même qu'il y a une commotion cérébrale. Ah non, je le savais pas. Elle s'est pris une poutre. Non, sérieux, non, c'est pas une blague. Alors je savais qu'elle avait été opérée il y a pas très longtemps. Elle a eu une hernie discale, mais alors je savais pas. Elle a eu une fracture du crâne, non, sérieux. Elle était allée aux toilettes et le clapet lui est retombé sur la tête. Ah oui, donc voilà. Non, je croyais qu'elle était pas. Elle est allée dans un vieux troquet, il y avait encore les chiottes à l'ancienne, et que là, elle a eu un accident de chasse en fait. Elle a tiré dessus. Non, stop. Non, je croyais que la lumière s'était éteinte, elle était passée sous son lit, bam, c'était pris la poutre. Oh là là. Aussi, on est nul. Les gars, franchement, on va se rattraper. On va se rattraper en musique. C'est ça qui est bon, de ce qu'on peut prendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rattraper en musique, et puis juste après la coupure musicale, on va retrouver évidemment Onissa qui va nous parler d'un feuilleton qui nous a tous fait pleurer, évidemment. C'est que pour toi. quoique pour moi maintenant, c'est aussi pour les auditeurs. D'accord, bah, moi je me casse. Rémi sans famille, rappelez-vous. C'est toi qui l'as demandé. Donc je te... Mais c'est terrible. Par contre, il y a plein de trucs que j'ai appris, je m'en souviens pas. En fait, il y avait des parents. Moi, je me rappelle que je chantais très mal. Ah oui, ça t'en parlait. Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Ah non, c'est ça, hein. C'est vrai. Bah, refais-le parce que je trouve que finalement, il chantait pas trop mal. Donc c'est juste après évidemment donc le choix de notre ami Sherlock. Oui, bah alors le choix de notre ami Sherlock, c'est pas vraiment mon choix. C'est là une petite dédicace pour Canon qui m'a demandé si j'avais du Rondo Veneziano. Ah, donc oui, tiens, ça. Je vais mettre la Sérénissima. Je t'explique pourquoi. On m'a demandé. Ouais, voilà. C'est celle-là. On m'a demandé de jouer au clavier et au synthé. En fait, c'est pas compliqué sans la jouer. C'est pas compliqué. Je croyais ça beaucoup plus complexe. Mais c'est vrai que ça m'a fait redécouvrir avec un son de flûte et tout ça sur un EP d'une jeune qui est en train de faire et qui voulait reprendre Rondo Veneziano en me demandant de la trafiquer et tout ça. Le problème, c'est qu'il y a encore des droits. Alors, c'est pour ça que je dis, il y a encore des droits ouverts. Parce que c'est une mélodie. Il y en a deux, trois comme ça qui feront être planétaires et les ayants droit continuent à toucher. Et je lui dis, si je mets ça sur ton album, déjà, si je le fais comme ça, ça ressemble, ça va être un plagiat. Et si tu prends les droits, bah, au lieu de toucher 15 euros de ton DVD que tu vendras en 50 exemplaires, tu n'auras qu'un euro. Parce que les droits de Rondo Veneziano sont tout. Et je crois sincèrement mémoire qu'en 11 ans, je crois que c'est la première fois qu'on va, écouter du Rondo Veneziano dans l'émission. J'en ai déjà passé. Oui, une fois. Si, si. Ah ouais, j'en ai déjà passé au moins deux fois. Et oui. Tu vas enchaîner avec quoi? Alors, avec Stars on 45, avec Proudly Presents the Star Sisters. Écoute, je peux te demander un service. Est-ce que tu l'as? Mais est-ce que tu as Shine on Dance? Shine on Dance. De Carrera. Ouais. Je sais pas, ça me si dit rien. Si tu l'as dans ton truc, ça j'adore. Un mec au violon. Et quand vous allez l'entendre, vous allez dire ah mais oui évidemment. Désolé. Si, je l'ai, Carrara. Carrara. Est-ce que tu veux me faire un plaisir? Je fais tout ce que tu veux. Je fais tout ce que tu veux pour toi, Charlie. Des photos. Je ferai tout ce que tu veux. Tu me mets Rondo Veneziano et derrière tu mets Carrara. Alors là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Eh ben écoute, il y aura Rondo Veneziano. Juste après, il y aura les Star Sisters. Ouais. Et ensuite, tu auras Carrara. Non, j'ai pas dit Star Sisters. Stars on 45. Ouais, c'est ça. Et c'est, le titre, c'est Proudly Present de Star Sisters. C'est Carrara. Ouais. Et ensuite, Carrara, lui, Carrara Shine on Death. Ouais. Ah ouais. Carrara. Oh là, tu me fais plaisir. Ça y est. Non, parce que... Carrara, ça avait été écrit, c'est sous le Porsche qu'il avait écrit. Sous le Porsche Carrara. Allez, c'est parti. Countach. Ça vous a marqué quand même, ça vous parle. Ah ouais, je connais. Musique, mais... non, je ouais, connais. Tu l'as dit, Onissa. Oui, mais pas autant qu'à toi. Comme... Ah, mais franchement, mais c'est un titre. Attendez, rigolez pas, mais moi, quand j'étais gamin, j'étais tout seul dans ma chambre, je me mettais devant mon miroir et j'imaginais que je jouais du violon. Et je faisais oh oh oh shine and dance. D'ailleurs, il n'y a que ça comme parole. Ah oui, donc, ouais. Je ne comprenais pas ce qu'il disait à l'époque, mais j'adorais ça. Et bah tiens, justement, c'est une bonne question à poser. Parce que quand vous étiez gamin, vous aviez envie de ressembler à un chanteur, il y avait vraiment. Tout le monde a connu ça. Allez, on est dans sa chambre, on est tout seul. Allez, tiens, on se fait un petit playback sur un groupe ou n'importe quoi. Onissa. Madonna, moi. C'est vrai, tu faisais quoi? Like a virgin. Ouais, il y a plusieurs. Avec ma sœur, ouais, à mort. C'est vrai? Tu faisais quoi? Oh, on faisait tous les titres. De Madonna. Ouais. Avec ta sœur? Ouais. Elle est toute seule, hein, Madonna. Mais non, on chantait à deux. Ah, d'accord. Ouais, oh. J'avais un public déjà. Attends. Canon, alors lui? Ah non, mais tu serais surpris. Ouais, non, tu serais surpris. Jamais. La seule personne, mais vous savez, quand on veut incarner quelqu'un, mais c'est dans vos trucs les plus secrets, voilà. C'est pas une question d'être une égérie, n'importe quoi, c'est Bézu. Musique. Non. Ah, dans Bézu, il y a Zu. C'est Canary Love, c'est une chanson, et c'est Phil Collins, Canary Love. Ah, oui. C'est une chanson qui m'a. Dans son énergie, dans son truc et tout ça, je sentais toute ma vie là-dedans. Ah oui. Sans comprendre, en étant anglophone, je comprenais pas Can a Real Love ce que ça voulait dire. Non. Et Dieu sait que depuis si. Il m'a mis une énergie cette chanson où j'avais envie d'être. Et donc d'être... tu te faisais tout seul dans ta chambre. Et, absolument, mais sans chercher à danser en playback. Ça m'incarnait cette chanson. Je me dis, j'ai une chanson qui m'incarnait. Et après, il y a voilà. Allez, vas-y. Ah, je la chante pas. Non. Ce côté, c'est moi. Mais c'est toujours moi, c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans cette chanson et j'y suis toujours. Tu me mets ça par contre sur une piste, etc. Quand je suis déchiré, je veux dire, c'est pas dans moi qui joue. C'est pas moi qui joue du violon. Ceci dit, au passage, on le salue, Phil Collins, parce qu'il a quand même eu un accident, parce qu'il est tombé dans les toilettes. Sur Mimimati. Justement, non, mais c'est vrai. Il a annulé ses concerts. Il s'est fait mocassin. Il s'est fait bien mal à la tête, bobo à la tête en tombant dans les toilettes. Mais c'est pas une blague. C'est ça. Mais vous connaissez beaucoup de mecs qui commencent à chier par la tête. Ils vont aux toilettes, ils se cognent la tête. Non, sérieux, il a eu un malaise et il est tombé dans les toilettes. Oui, je peux. Et non, mais sérieux, c'est vrai. Alors Véro me dit, moi aussi. Toi aussi, t'as eu des malaises dans les toilettes. Ah ouais, mais non, Véro, c'est perso là. On vous a parlé dossier. Oui, on est aussi avec Véro, évidemment. Véro, salut Véro. Bonsoir tout le monde. Ouais, avec son jeton de poker sur son. C'est un jeton de poker que t'as là, non? Oui. Non, c'est un singe. Alors, Flipcat, toi, t'as aussi, j'imagine, quand t'étais jeune. T'as jamais fait de. Allez, tu t'es mis dans ta chambre. Peut-être en Elvis. Non, pas Elvis. Non. Il faut pas croire. Elvis, je suis pas fan du tout d'Elvis. El Clou. Ah, moi j'adore Elvis. Non, il n'y a pas un seul chanteur. Pas mon idole. El Clou. Alors tu imitais qui? J'écoutais déjà en 78, 79 une compile d'Eddie Mitchell. Alors attends, c'est pas Eddie Mitchell qui chante dessus. Et c'est le compil sur le compil d'Eddie Mitchell, mais c'était pas lui qui chantait. C'est des reprises, d'accord. Voilà, c'est parce que je précise parce que je sais. C'était Tony Brahms. Déjà. Ah. Et c'était tous des chanteurs des années 50. Il y avait surtout Eddie Cochran. Ah. Et Come On Everybody et Summertime Blues. Et donc je faisais semblant de chanter, tu faisais Come On Everybody. J'imaginais, Come On Everybody. Avec le public devant toi et tout. Et c'est surtout ça. Là, sa façon de chanter qui me. Ouais. Ah ouais, mais c'est clair. Mais ah oui, tu disais qui incarnait en chanteur et se prendre pour lui, etc. Moi, c'était. Tu es tout seul dans ton coin, là, tu sais, quand tu es dans ta chambre. Tu t'éclates. Tu ne la trouveras jamais sur Internet. Tu te mets ta musique et. Elle n'existe plus, c'est Richie. Ma vie commence. Ah, mais puisque si, tu j'aime. Non, mais bien sûr, oui. On la trouve plus. Ah non, c'est sûr. J'ai cherché, j'ai voulu payer. J'ai appelé la maison de disques, j'ai appelé la Fnac, j'ai dit, je mettais même 200 balles. T'as appelé Richie ? Non, pas possible. Je l'ai quand même mis sur Facebook, tiens. Je lui ai écrit. Non, j'ai Richie et Poveri, mais c'est pas les mêmes. Mais même moi, Richie, mais c'est si t'essayes par le titre, par la maison d'édition, c'est incroyable que ce titre ait disparu. Parce qu'il a pas marché. Hein, Je le chante où les gens me disent qu'il est formidable. Je le chante bien, sans prétention. Je le chante bien parce que en plus c'est dans ma tonalité de voix. C'est ça te fout. C'est mieux que You Raise Me Up, hein, parce que ça monte beaucoup plus. Il y a plus d'intensité. You Raise Me Up, vous connaissez ça. et bizarrement, les gens connaissent pas. Absolument pas. C'est incroyable qu'une chanson pareille. Ôte-moi d'un doute, mais je vais peut-être dire une connerie. Mais est-ce que c'est lui qui a chanté Nous Deux ou pas? Vous deux. Ah non, ça c'est... Ah si, attends. Qui chantait nous deux. Non, c'est... Aux poupées sucrées, tu sais, sur les bancs de l'école, déjà je te parlais d'amour et de rock'n'roll, on était fous de Presley, Cadillac, Rose, mon monde. Années 80, on est d'accord. Années 80. Ouais, si, si, il avait relancé ça. Ça te parle quand même, Flippy? Non, mais même si t'aimes pas. Richie. Ah bah ouais, aux poupées sucrées. Si, je me rappelle Richie. Parle à ma tête. Parle à ma tête, ma main. Non, c'est pas lui. Parle à mes mains, non, ma tête et non, ma. Non, si, c'est, si. C'est si, pas si. Le même. Si, ah, j'en suis certain. Mais non, si, c'est si. Un jeune. Parle à ma tête. Mais non, non, non, sans malade. Ah, j'en suis certain. Ah bah, alors, vas-y, parle à ma tête. On va essayer de retrouver ça sur internet. Je te promets que c'est ça. Parce que j'adorais Richie, évidemment, j'adorais. On dit toujours c'est parle à mon cul, ma tête est malade. Bah c'est ça, c'est parle, parle. Ma tête est malade. Lui est tombé dedans. Richie, il a chanté une chanson dans ce genre-là, Sherlock. C'était parle à mon cœur, ma tête est malade. Parle à mon cœur, ma tête est malade. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Ma tête est malade. Ouais, mais attends, c'est pas du tout. Attends, c'était un chanteur. Mais oui, mais j'adore. Non, mais attends, non, mais c'est. Moque pas, Talon. Non, c'était une monstruosité vocale. Bien c'est sûr. Au-dessus du. Ouais, mais pas parle. C'était pas du tout son genre de chanson. Il avait une puissance vocale, mais qui scotchait Mybrandt. Ouais, mais je te fais le truc. Parce que sur la même époque contemporain, mais qui était. Vous connaissez J'aime ? Ben non. Non, ça vaut pas. Je peux la faire deux minutes. Je l'ai comme ça. Vas-y. Attends. De Richie, hein. J'aime, et ma vie commence, puisque j'aime pour la première fois, effaçons nos rêves d'enfance, et faisons ce soir notre premier pas. J'aime, je veux que tu m'aimes, cet instant d'amour donne-le-moi, et même, puisque le temps nous entraîne, je serai toujours... Ta première fois, j'aime, ma vie commence. Je voudrais que tu sois une enfant dans tes manières et femme tout contre moi. Ça vous parle pas? Ah non. Bah non. Elle est belle cette chanson. Là, je la chante à l'arrache sans truc. Non, ouais, ouais, désolé. Mais tu pourras regarder sur internet. L'aiguille est en train de me sortir un drapeau blanc. Là. Si tu t'apprêtes. Je pensais qu'elle allait me faire l'album, là, c'est pour ça que je vais aller voir. Ah non, non. Est-ce que tu as par la main de ton cœur est malade? Non, mais là, je lui chante. Mais non, mais je sais qu'il a une super voix. Sans parler de réverb. Ah bah, il a une voix. Mais est-ce que tu es en contact avec lui ou pas? Pardon? Parle à mon cœur. Alors, parle à mon cœur, ma tête est malade. Bah oui, donc c'est bien ça, c'est Richie. Et c'est Richie Valens. Ah non, il est mort, il était déjà mort. Mais moi je suis en mais contact si t'as une avec photo lui. Avec lui, bah putain, alors lui. Mais je suis en contact avec Richie justement et je lui. Devant les auditeurs, je te dis, si t'es en contact avec lui. Où je lui ai dit, mais moi j'étais fan de ta chanson, par contre, parle à mon cœur, ma tête est malade. Et il m'a dit, mais c'est super sympa, ça me fait plaisir. Et il tourne encore. Non, on parle pas du même, mais parce que je t'assure. Si, on parle du même. Ça fait deux ans que je cherche. Montre la photo. Alors écoute-moi, devant les auditeurs, si tu le connais. Que tu arrives à le contacter. Non, je ne le connais pas. Je suis en contact avec lui sur Facebook. Si tu peux te mettre en contact avec lui, me mettre en contact, il a un c'est Facebook. C'est lui, regarde. Cherche pas, on te montre, voilà. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui, mais bien sûr. Mais ouais, Richie, évidemment. Il est scotché, là. Mais bien sûr, mais je connais Richie. Tu lui dis qu'il y a un de ses femmes, un fan inconditionnel qui au piano. Tu m'as mis avec lui sur Facebook. Bah oui, mais tu m'introduis. T'adores ça. Oh, tiens, c'est vrai. Je te parle, j'ai jamais été aussi sérieux. C'est pas pour jouer avec lui ou me faire de la notoriété. Si je pouvais le contacter, je lui propose un truc Facebook, acoustique. Il te répond. Ça va faire 8 ans que je travaille cette chanson. Je l'ai refaite au piano, mais acoustique différemment. Canon, je te promets, il te répond. Oui. Il m'a répondu une fois en me disant ça me fait plaisir. C'est Laurent Richie. Laurent Richie. Il s'appelle Laurent Richie. Laurent Richie. Mais c'est le même, si, mais je te garantis, j'en suis certain. Bon. On va, on en parlera mais c'est quelqu'un de il très habite accessible. À 400 bornes, tu fais la route. Ouais, non, mais ah, oui. Je sais pas où il habite, mais en tout cas, il est très accessible. Bah, 400 après, Non, mais après, si toi tu veux avoir les versions instru, je pense qu'il y a moyen avec Richie. Ah, mais je lui paye. Si, moi j'ai eu des contacts avec lui très très joviaux. Vas-y, joviaux. Ouais, ça se dit. Bien sûr. Bon, allez, on continue à faire le tour de table, évidemment. Alors, Sherlock. Dis-nous tout. Sherlock. Dans ta dans ton placard, quand ta mère t'enfermait dans ton placard, tu chantais quoi? Dans mon placard, sous l'escalier. Betty Mamoudi. Écoute, non, je c'est me jamais sans ma fille. Trop. Ouais, ici, il y a eu du Michael Jackson, mais sans savoir le danser, quoi. Non, mais tu chantais, quoi. Ouais, je le chantais. C'était quoi, par exemple? Il y avait The Way You Make Me Feel par exemple. Alors vas-y, tu sais le faire. Tu sais pourquoi je me marie, je connais par cœur. Il va te lancer. Tu vas finir en train de faire la salsa sur ton. Bon. Attends, je filme. Vas-y. Alors ça faisait. Hey pretty baby with the eyes on. You give me fever like I never ever known. You're just a product of loveliness. I like the groove of your walk, you took your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car, I'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me feel, the way you make me feel. You really turn me on, you really turn me on. You knock me out the you knock me out of my feet. My lonely days are gone. Ah bah oui, franchement, bravo. Comme quoi, pour tous ceux qui se disent qu'une opération testiculaire ne fonctionne pas, si. Il n'y a qu'un truc qui fait pas bien, c'est les cœurs. Ouais, c'est ça. Parce que t'as l'enregistrement quand il y a 12 ans, c'était. Ah, c'est génial. Ah, mais vous, tu as jamais entendu chanter Charlotte? Si. Ah si, il chante très bien. Ah, il chante très très bien. Ouais, bon, dis pas si, si. Elle est fauche. Non, alors elle m'a vraiment entendu chanter. Ah bah oui. J'ai chanté d'ailleurs avec toi. C'était la fois où on était au Cuenco, enfin chez Charlie. Bah oui, enfin. Bien sûr. Ah oui. Non, mais c'est parce que Sherlock et moi, on s'est déjà vu en studio, on a chanté ensemble et tout. Je me souvenais plus ça, chez Cuenco. Ah, chez Charlie. En fait, maintenant, c'est chez Charlie. Ouais, chez Charlie. C'est vraiment. C'est plus Cuenco. Bah, ça a toujours été Cuenco, c'est chez Charlie. Okay, voilà. On salue d'ailleurs parce qu'il nous écoute. Ouais, gros bisous. Mais. Alors, on le salue. On le salue au passage, Charlie, bien évidemment, donc à Moucron. Donc, c'est quoi le quartier déjà, rappelle-moi, parce que. Bah, c'est sur la place, hein. Non, c'est la rénovation. Ouais, la rénovation. Si, c'est le quartier. C'est le mec qui sort à chaque fois. Rappelle-moi où on était. Bah, c'est sur la place. Je le dis, rénovation. C'est moi qui te le rappelle. La grande église, c'était la place. Ouais, vous dites. Stop, parce que c'est le moment ou jamais de retrouver notre Onisa. Ah oui. Qui va nous parler, évidemment, donc d'un dessin animé que vous avez adoré, je pense que j'ai adoré, ça c'est clair. Peut-être pas Philippe 4, je sais pas si ça lui parle, mais. Je sais pas si tu connais Rémi sans famille. J'ai un doute, on en a parlé la fois dernière, ouais, et là j'essaie de cerner un petit peu de. J'ai pas d'image là-dessus pour l'instant. Alors vas-y. Ben, écoute, qu'est-ce que t'as comme souvenir, toi, de Rémi? Non, mais. Vitaly. Oui, moi, non, Vitaly, évidemment. Voilà. Alors, on va voir si on a les mêmes souvenirs. Donc, tu te souviens du moment où il est allé, il est avec. Attends, un petit jingle quand même. Ah, pardon. Ah, tu l'as. Ah non. Ah oui. Ah, elle a. Et toi, elle en dessous de ses bras. Quelle année, c'est sorti la première fois en 82. Je regardais déjà depuis longtemps. Je ferai un petit aparté après, tu repasseras la bande-annonce, etc. Comment le club Dorothée reprenait la base de Billie Jean. Ça marche, ouais. Mais ça, c'est après. Mais on va parler de Sans famille. Donne-moi tes souvenirs, toi. Alors, moi, c'est le petit singe. Je me souviens plus comment il s'appelle. Le petit singe, il s'appelle. Attends, je l'ai mis. Ah si. Il s'appelle Joli Cœur. Joli Cœur. Oui, dans les paroles de la chanson d'ailleurs, il y a Joli Cœur. Oui, mais en fait, c'est quoi que t'as comme souvenir du petit garçon qui est avec Vitalis, le. Allez. Le vieux bonhomme, quoi. Ouais, le vieux monsieur, c'est là. Mais avant. Parce qu'il y a eu des épisodes avant. Bah, il marche dans la neige. Qui explique. Non, qui explique. Non, c'est vrai qu'il marche beaucoup dans la neige. Non, mais moi. Attendez, les garçons, s'il vous plaît. Bah, tu nous poses une question, c'est pas à toi que j'ai parlé. Oui, mais tu fais une émission radio, il y a des millions de personnes, donc regarde-les. Arrête de regarder sans non, arrêt. Mais sérieusement, moi, je savais pas qu'au début de l'aventure, Rémi est avec sa mère adoptive. Elle l'aide, et il l'aide à la ferme. Bah oui, qui meurt. Non, elle meurt pas. En fait, au départ du dessin animé, Rémi est avec sa mère adoptive et il connaît pas son père parce que lui travaille sur Paris. Ouais. Et, sur Paris. Oui, il travaille en Italie, moi. Non, il travaille sur Paris. Et en fait, à un moment, il y a un accident. Donc lui, il rentre, mais il pensait que Rémi était parti à l'orphelinat parce que Rémi, à l'origine, c'est un petit garçon que lui a trouvé, qui a déposé, qui est parti travailler. Et lui, pendant le début de son enfance, il travaillait à la ferme avec sa mère adoptive. Et quand le père y a eu l'accident, il a attaqué son patron qui a perdu le procès. Il est retourné. Non, déconne, il y a une histoire de procès dans Rémy sans famille. Oui, il a sérieux per... Je te promets, il a je perdu son. Plus, toi, du tout, bah non, moi non plus. Ça casse un peu du. Attends. Et donc, pour savoir le début de l'histoire, parce que. Et la fin, je la savais pas non plus. J'ai en fait les mêmes souvenirs que toi, des aventures quand il va sur le bien bateau, sûr, quand, il ouais. Va, quand il allez, il s'endort. Il fait le saltimbanque avec Italie. En antenne. Mais en fait, oui. Un de nos invités dit il s'est passé quelque chose avec la mère. C'est surtout, elle a fait un truc terrible par rapport à son enfant. Tu l'as ? Ah non, ça non. Ah non, elle le vend. Ah non, c'est, eh ben non, j'arrive. Ah, non, j'y arrive. Non, c'est d'accord. Pas vrai, c'est pas la mère qui le vend. C'est justement après que le père revient. T'énerve pas, c'était une question. Il la mettre sur le bon coin. Non. Onissa, ne t'énerve pas, c'était une question. Non, mais laissez-moi parler, vous êtes pas sympa. Mais si, Onissa, on ne parle plus. En plus, je vous apprends des trucs. On t'a dit non, mais complètement, mais on est pendu à tes lèvres. Ah ouais, ben. Arrête de faire des trucs comme ça. Non, pas celle-là. Pardon. Non, Sherlock. Alors là, non. Venant de toi, si, non, c'est bon. Alors ça, non. Oh, si, c'est bon. La portée était trop bonne. Ça, c'est bon. Là, j'accepte. Excuse-moi, mais Sherlockette, si tu nous écoutes, ton homme, il va falloir que tu le recadres un peu. Hein. Non, et en fait, c'est quand le père revient justement à la ferme, il rejette Rémi et il le vend à Vitalis pour 40 sous. Et c'est à ce moment-là que les aventures. Mais nous, les souvenirs qu'on a d'enfance, c'est au moment où il est avec Vitalis. Ah pas, ouais, bien sûr. Bien sûr. Et alors, il y a un épisode où il va sur un bateau, tu sais, avec une dame qui a un enfant handicapé, oui. Qui, à l'origine, est sa mère, sa vraie mère. Ah oui, d'accord. Et qu'il retrouve qu'à la fin. Oui, tu vois, d'accord, c'est, ça, ouais, c'est possible. Tout le... Mais je ne te critiquais pas, c'était une question. Non, tu m'as dit, il y a un auditeur qui a dit que. Flip 4 sort de. C'est le monsieur qui est derrière toi, regarde, il tend la main. Il pose la question, il ne dit pas que. Ah, mais c'est t'as entendu, toi, derrière, qui vient de nous entendre. C'est Joe, hein, qui a fait un. Je n'ai rien dit. Non, non, mais c'est vrai que. Non, mais je te crois, je te crois. Mais non, mais c'est cet épisode-là, tu t'en souviens ou pas ? Pas du tout. Moi non plus. J'ai pas compris, c'est toi, en fait. Moi, sincèrement, pour vous, je sais pas si vous vous en rappelez, mais Rémy sans famille, c'est un truc où c'est vraiment pas. Tu regardes ça, tu sors de là, t'es déprimé, quoi. C'est ça. Pas j'ai jamais supporté, moi, pour ma part. Si, moi j'adorais. Ah c'était moi, j'ai c'était mignon regarder. Tout plein, c'était sentimental, oui, c'était plein de sentiments. Parce qu'il mais était seul, mais moi jamais j'ai cru qu'il était au départ avec sa mère adoptive, qui avait été vendue après, pas, et qui, bon, qui retrouve sa mère à la fin. Moi jamais. Il y a d'une famille. Comment cette histoire-là ? Et ben en fait, il retrouve sa mère, ouais. Et, qui vient d'une famille aisée, riche, londonienne. Et il y retourne. Ouais, il retrouve sa famille. J'aimerais bien le revoir. Mais parce qu'en fait, il s'est attaché à cette femme. 3700 épisodes. Et à son frère. Où il marche. Il y a un frère handicapé, donc. Et qui avait rencontré une fois sur un bateau. Et elle l'avait accueilli. Et le courant était bien passé. Et en fait, c'est sa mère. C'est sa vraie mère. Mais ouais. Moi, c'est, tu vois, bah, moi, j'ai comme toi. Mais ce dessin animé m'a remarqué, évidemment. Parce que c'était le genre de truc que tu regardais. Tu sortais, c'était le mercredi après-midi. Bah, de récré à deux ou je sais pas quoi. C'était déprimé, quoi. Si t'étais en pleine forme, tu regardais ça, c'était fini. Tu pleurais. Quand le petit singe quand il meurt à un joli moment, cœur, ah ouais, joli cœur ouais. Quand il meurt, alors là, Vitali quand il meurt, ouais, c'est alors ça. Là, c'est et le secret de Vitali, ça par contre, je l'ai pas trouvé. Je sais pas si quelqu'un connaît. En fait, je crois qu'il y en a pas. Il enfin, si, y en a si, un, si, si. Ouais, mais il y a un secret. Si, si, Vitali, ça avait tué quelqu'un, oui, je pense que c'est ça. Il me semble que. Parce qu'à un moment, Vitali. Donc, c'est lui qui reprend toute la troupe, Rémi. Et il se retrouve vraiment seul, mais en fait, non, l'affaire trouve sa mère. Et moi, j'ai zappé le début et la fin. Ouais, parce que je crois que Vitalis meurt justement en montagne, dans une tempête de neige ou un truc comme ça. Hein. Oui, parce que, en fait, chacun son tour devait garder le feu et pour empêcher les loups de venir. Et le seul qui est sauvé, c'est Rémi, parce qu'il y a un des chiens qui l'a protégé, qui lui a donné sa chaleur. Et c'est là qu'il y a eu Belle et Sébastien. J'adore. J'adore. Ça, j'aime pas. Et on n'a pas le générique, tu l'as pas si, le générique. Si, bien sûr. Ouais. Ah, oui. Je vais le remettre au début parce que ouais, ça passe en fond. Vous vous souvenez quand il marche au départ avec le chien, avec la langue et le singe et ça vous parle pas ? C'est le truc, c'est le manga, c'est en fait, il y a le truc fixe et derrière, il y a le décor qui zéro. Comme un manga ou pas ? Ah oui, oui, c'est un manga. C'est un manga, ça a été fait par des Japonais. Oui, ça a été fait, par contre, c'est tiré d'un roman français. Ouais, certainement. Bah oui. Bah nous, on écrit souvent de belles histoires et c'est les autres qui arrivent à les rendre en ouais, image. Ouais, c'est mais ça. Est-ce que ça n'a pas été, je vais peut-être dire des bêtises, mais ça n'a pas été inspiré des Misérables quelque part? Un petit peu quand même, non? C'est loin du l'univers, c'est loin de l'univers des Misérables. Je sais pas. Ouais, non, mais dans l'écriture, je crois que les mecs sont inspirés. Il y a peut-être une inspiration des Misérables, mais. Par contre, dans les. C'est plus dans l'optique parce qu'il y a un enfant, un saltimbanque, tout ça. Dans le dessin, par contre, dans les traits et tout ça, un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, parce qu'après, il y en a, c'est Tom Sawyer. Ouais, là, d'accord. C'est la là, même. Je me demande si le dessinateur là-dedans ou les groupes de dessinateurs n'ont pas participé parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment du copier-coller. Tu peux nous remettre le générique? Oui, bien sûr. Oh, vas-y, non, Tom Sawyer, ça fait nous plaisir. Non, pas Tom Sawyer. Hein, non, non. Sans famille. Je me balade avec tous mes amis, Vitali, Dolce, Joli Cœur, Servino, Cathy et Rémi. On fera dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade avec mes amis. Ma famille à moi, mais il nous manque complètement. Regarde avec Candy, c'était pareil avec l'intro, on savait pas, il dit pareil. C'est quand mais même, du coup ça donne envie de revoir les dessins animés, ouais, de la revoir, dans la totalité. Alors le seul problème c'est que Mais moi j'adorerais. Mais le problème c'est que on a plus les yeux d'enfant. On a plus les mêmes yeux. Voilà. Ah oui, non, mais c'est sûr. Comme le film des années 80 qui était exceptionnel, tu les regardes maintenant, bon, ils ont vieilli. Mais les dessins sont pas beaux. Enfin, faut être honnête. Ah oui, mais non, mais c'est ça. Les dessins sont pas très beaux. C'était déjà assez bien dessiné. Je trouve quand même que Rémi, c'était quand même. Tu trouves, moi, un peu moins. Enfin, bon, un peu comme Candy, c'était pas très bien dessiné. Aujourd'hui, on a besoin de. On s'arrêtait pas à ça. La synthèse, tu vois, de l'image de synthèse. Machin, c'est un peu compliqué quoi. Je fais le Golgoth. On faisait pas attention à tout ça en fait. C'est parce que maintenant technologie, oui, voilà, c'est alors, ça. Dis-moi, Onissa, est-ce qu'aujourd'hui tu serais prête à revoir toutes. Tous les Candy. Tous les Candy? Ah oui. Ou tous les Rémi sans famille? Non, c'est pas un bon truc ça. Pourquoi? Les trucs tristes. Ouais, ça finit très mal. Hein, non, ça finit bien. Sa mère, elle a laissé tomber. Et alors, la suite, c'est Kramer contre Kramer. Si Rémi était un con. Non, elle venait d'une famille riche londonienne, donc comme on avait bon, bon, après, c'est très consensuel, quoi. Candy, c'est pareil. On garde quand même ce qui nous arrange. Mais je pense, est-ce que quelque part, on garde pas les meilleurs souvenirs du dessin animé que le tout ce qui est négatif finalement laisse un peu de côté. Parce que moi, quand j'ai commencé mes recherches. J'ai dit, je me suis gouré, tu sais, il m'a pas donné le. Ben, Rémi, il n'y a pas de famille, quoi. Allez, Rémi sans famille. T'es sûr que c'est pas Rémi Gaillard que t'as. Non. Non, mais je pense qu'à un moment, quand t'es gamin, tu t'incarnes à des personnages. C'est vrai que Rémi sans famille, quand tu vois Heidi, quand tu vois tous ces trucs, le gamin que t'es, dans l'émotion de l'enfant qui retrouve sa mère, qui parle à son jouet, qui est tout seul en train de faire son truc, et qui parle en monologue sur ses idées, tout le monde s'incarne. Moi, je veux des gamins parfois parler avec des poupées ou avec les Monster Ride, tu veux qu'est-ce qu'il y a de réel. Oh et mon tout. Dieu, pour autant, c'est bien parce que comme elles sont complètement destroy et n'importe quoi, tu vois qu'elles leur parlent exactement comme tu parlerais une Barbie et tout ça, elles construisent la même chose. Alors que quand tu les vois, nous on se dit, tu vas chez celle, elle est pas belle, mais elle s'en fout de la notion de belle, c'est le personnage qui raconte. Voilà. C'était. Eh bien, écoute, Onissa, c'était ton dernier mot, Jean-Pierre, oui. Eh bien, écoute, c'était très bien. Et, c'est vrai qu'il y a une coupe moi, à la fait plaisir que tu aies fait. Ça nous a tous fait plaisir d'ailleurs que tu nous aies fait une rétrospective. Oui. Elle nous a pas trop parlé quand même. C'est sûr. Flip Catawba, c'est sûr. Mais non, mais parce que tout à l'heure, c'est parce que t'écoutais déjà plus. Je disais, pour répondre à ta question, qu'effectivement, je n'ai pas pu connaître, puisqu'en 82, j'avais 17 ans. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment le genre de truc. Non, mais tu sais, parfois, ça passe à la télé. Bon, ouais, pas non, mais il y a des parfois, ça repasse. Mais là, et pour le coup, Rémi sans famille, ça ne repasse pas. Donc, Si. Mais vu le descriptif, le style, c'est déjà pas un style de dessin animé. Non, ça, je suis sûr. Qui m'attire du tout. Si, si. Ouais, non, mais je veux dire, parfois, tu sais, machin, des chaînes, machin, ça passe, Rémi sans famille. J'ai revu quand mes enfants étaient plus jeunes, quoi. Puisque je me souviens quand il marche, justement, je l'ai vu récemment. Pas la télé. Avec Rémi sans famille. J'adorerais. Pas que tu regardes obligatoirement, mais... Ceci dit, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il y a une version qui a été faite. Il y a eu un film qui a été fait sur Rémi sans famille, on est bien d'accord. Et je vais aller très loin dans ma pensée, mais je pense que Pierre Richard a joué dedans. Ouais, François Fillon aussi, récemment. Voilà, Pierre Richard a joué dedans. Dans François Fillon sans famille. Et il faisait Vitali. Et il paraît que ce film, il est merveilleux. Ouais. Ah ben, ouais. J'en ai même pas entendu parler. Moi. Et Jo me dit, il dit c'est vrai. Je pense, je pense sincèrement qu'il y a eu un film qui a été fait et qui n'a pas fonctionné au cinéma, puisque c'était un téléfilm, je crois. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un condensé en fait du dessin animé, regardez. Donc, peut-être alors que là on aurait le début et la fin qui nous manquent. Peut-être, qui sait. En tout cas, Nissa, merci. Merci pour cette belle rétrospective. On t'aime de plus en plus, franchement. Et pour la fois prochaine, je vais te demander les mystérieuses cités d'or. J'adore. Enfant de la terre, écoute. Mais non, ça c'est les mondes engloutis. Ah oui, t'as raison. Non, ça n'a rien à voir. Ah oui, mais à chaque fois, je suis Esteban Zia. Oui. Esteban Zia. Les cités d'or, évidemment. J'aime pas celle-là. Ah, moi j'adore. Bon, on va se faire une légère coupe cupure. Cupure. Excusez-moi, parce que. Une coupe. On va se faire une cupure. Circoncision. Génaldo, c'est parce que j'étais au Stade Morois ce week-end. J'ai fait une coupure musicale. Et ça n'a pas fonctionné, les gars. Hein. 18 000 personnes, c'est pas terrible quand même pour les vieilles canailles. Écoute, les échos sont bons. Hein. Oui, 18 000 personnes au Stade Pierre Morois, c'est pas terrible. T'as je peux vous le dire. Place, toi, s'il te plaît. 40 000. En Belgique. 40 000, Minimum. C'est 40 000. J'étais même pas à moitié de la salle. C'est 40 000. Ouais, mais en Belgique, les places étaient trois fois plus chères. Ah, mais c'était cher aussi en France. Ouais, dans les 85. Jean-Philippe Smet, c'est un Belge, il y a toujours. Alors, moi, je vais vous dire une chose. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le sosie vocal d'Eddie Mitchell. Mais vraiment, le vrai sosie vocal d'Eddie Mitchell, honnêtement, et qui est fan et qui est allé et qui a dit qu'effectivement, il y avait moitié salle. Ça se voit fort. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et m'a dit également que Johnny, il est fan de Johnny, évidemment, m'a dit qu'il n'était vraiment pas dans son assiette et c'était pas exceptionnel. Et Dutronc, après Dutronc, ça fait pas un trio, quoi. Dutronc, Mitchell et Hallyday. Hallyday, Mitchell à la rigueur, mais Dutronc. Ouais. Dutronc, je sais pas ce qu'il fait là. Hein. Vous avez entendu la version de Canaille. Ils ont mis. Toi, t'es un fan de ça en plus, j'ai entendu. Ils ont mis des Get Star et c'est raté parce qu'il y a un moment. C'est vrai qu'ils sont pas bankable, tu vois, un concert intimiste. Ah, si, ils le sont quand même. Non. Hors antenne, on parlait avec quelqu'un de Chiffon Rouge qui est passionné de ça. Et qui disait aussi, c'est que Johnny Hallyday, c'était peut-être sa dernière fois sur scène ou quoi que ce soit. C'est qu'à un moment, il faudrait peut-être faire un truc sans tous les artifices qu'il a fait d'habitude, mais avec son public, avec Eddie Mitchell. C'est vraiment un truc intimiste où les gens vont voir leur idole. C'est pareil, je suis cinquantenaire, j'aurai 70 nerfs un jour. Ouais. Il y aura Jimmy Somerville qui va chanter comme un pied à 60 ans. J'irai le voir parce bien que sûr. C'est un truc à un moment qui est à toi et qui t'appartient, quoi. Et je crois que là, ils ont voulu refaire un. Voilà, surfer sur ce trio magique et ça le fait plus. Non, il y a un âge, il y a une époque pour tout. Ils ont pensé, je pense, Canon, je peux me tromper, mais ils se sont dit, on va faire une fréquentation x3. Ou du moins sur les 40 000, ouais, on est sûr de remplir. De Jacques Dutronc. On est sûr de remplir. Et je suis pas sûr que les fans de Jacques Dutronc étaient au rendez-vous. Les critiques que j'ai eues, elles sont super bonnes, ouais. Mais tout le monde pose la même question, celle que tu viens. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, mais c'est clair. Moi, vieille canaille, j'adore. Après, il n'a pas la même carrière que j'adore ce Mitchell, titre. J'ai eu l'occasion de chanter Canon de façon mémorable. Hein. C'était sympa. Non, mais c'était la version solo. Oui. Quand tu les écoutes à trois, tu te dis, mais Dutronc, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enchanté, vieille canaille, quoi. Honnêtement. Ouais, mais c'est ça, mais bon. Bon, allez. Soit. Ça permet. Eh bien, on va faire une petite coupure musicale, puisque, effectivement, on va arriver tout de suite à la rétro ciné 80. Je vous parlerai. Une seule chanson? Non, j'en mets deux, ok, ça va. J'en mets deux et tu danses aussi en même temps. Voilà. Et reste à l'écoute après les ciné 80. Je sais pas si j'y arriverai parce qu'il fait tellement chaud dans le studio. Ça va être compliqué. Donc, on va s'écouter Phil Collins avec You Can't Hurry Love. Ah, bah merci. Oui. Bah oui, forcément. Qui est un titre évidemment tiré des. Les Supremes. Ah, ouais, c'est les Supremes. Oui. Ah oui, non, ça je savais. Avec, comme chanteuse, Diana Ross. Bien. Quelle année ? Quelle année ? 1974. Ouais, c'est bien. Ah, c'est 64, sérieux ? Ouais. Ouais, je crois que c'était 74. Ah, bah, alors justement, c'est pour ça. Alors je vais y venir. Juste après la coupure musicale, je vous dirai quelque chose. Le scoop. Voilà, je vous dirai le. Mais t'en fais deux, tu fais deux titres. Oui, oui, oui. Donc il y a Phil Collins avec You Can Hurry Love et Roxette avec The Look. Hein, voilà. Ah bah ça va faire plaisir à Flipkart. Restez à l'écoute sûr, après avec la série 80 et on vous parlera de musique. Everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. time and she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes, dans la DeLorean et partons vers l'année 1989. Alors oui, effectivement, on part vers l'année 1989 et plus précisément vers le 28 avril 1989. Allez, vas-y, mercredi. Fais plaisir. Mais on n'est pas sûr, hein, parce que moi j'ai un doute. Hein, je suis pas sûr que toutes les années dans les années 80 ça sortait le mercredi. Je vais me renseigner parce que je me demande si dans le début des années 80 ça sortait pas le jeudi. Dans le début des années 80, je m'entends bien. Mais... Bah non, parce que la dernière fois, j'avais fait un film de 81 et c'était déjà un mercredi. Alors peut-être qu'il y a certains films qui sortaient le jeudi aussi, mais... Oui, mais ça, c'est dans le temps qu'on avait congé le jeudi, mais pas de ton temps, mais pas du nôtre. Non, bah arrête, tu plaisantes ou quoi? Toi, tu regardais des films en noir et blanc, Harold Lloyd et... Ah, j'aimais bien. Et, bah ouais, Histoire sans parole... Ah bah non, c'était un vendredi le 28 avril. Ah bah tu vois comme quoi, voilà. Je suis pas sûr que ce soit un mercredi, que les sorties de films... Bah Canon, tu vas apprendre une chose, c'est que les films ne sortaient pas forcément le mercredi. Ouais. Et ouais. Et donc tu vois, on c'est dit pas ça, possible. Enfin on a l'occasion de t'entendre un peu moins. Je m'en fiche, j'ai une chronique avant, j'ai pu parler. Non, moi aussi. On t'a baffé et... la gueule. T'imagines si je suis là, je parle pas. Enfin, je viens plus, c'est pas intéressant. Moi aussi, non, faut que tu sois là. Ah ouais, ah oui. Alors, 89 alors. Ouais, le 28 avril 89. Ouais. Le film a fait... entrée au box-office français. Quoi? Oh, je ne sais pas du tout, je n'ai pas trouvé de chiffres pour le film. Donc ça veut dire, est-ce qu'il n'a pas fait beaucoup d'entrées ou est-ce qu'il en a fait beaucoup? Je d'après toi, pas. Est-ce que c'est un film qui a bien marché? Alors, je sais c'est pas. Un film qui a bien marché, en DVD. Mais peut-être pas au cinéma. Ah, mais en VHS, ouais, par contre, oui. Mais en VHS, ça ouais. A très bien marché. Ouais, ouais. En VHS, en téléfilm, ça a très très bien marché. En téléfilm, c'est un film ou un téléfilm? Non, c'est un film, mais il est passé à la télé. Quoi. Ah oui, donc c'est pas un téléfilm. Ouais, enfin voilà, à la télé. Un cinéfilm. Alors, la musique est de Miles Goodman. Ouais. D'accord. Et le film est de Rod Daniel. Oh là là. Je vais vous passer la première musique, écoutez bien. Quelle année? Excuse-moi, je sais pas. 89. Alors, c'est impossible. Non, c'est impossible qu'ils aient plagié ça. C'est pas plagié, c'est la musique. Alors, ouais, mais si c'est un autre film qui a rien à voir, c'est impossible qu'ils aient pu prendre ça. Ah bah si, ils payent les droits après. Mais on est d'accord que c'est ça. C'est bien la musique des Dents de la Mer, mais c'est pas les Dents de la Mer. Ils ont pu acheter les droits. Même moi, j'ai reconnu. Alors, ouais, alors le sang gros, le connaissant Sherlock, c'est une comédie. Oui. Ouais, bah, oui. Évidemment. Eh, il nous piège, il essaye de nous piéger. Ah bah oui, forcément. Il fait ça bien. Hein. Ouais. Non, c'est une comédie. Ah, pour une fois, je reconnais. Évidemment. Les Dents de la Mer. Ah ouais, c'est une comédie, effectivement. Bon, je vais vous donner quelques noms d'acteurs. Il y a Cotter Smith, William Sadler, Pruitt Taylor Vince. Il se prépare pour faire feu en anglais. Alors, John Snyder, Daniel Davis, Ed O'Neill. Ed O'Neill qui est déjà un acteur qui est assez célèbre, qui a joué Al Bundy dans la série Marié deux enfants. D'accord. Ok. Marie. Ah oui, oui. Oui. Love and married. Voilà. Vous pouvez éviter de chanter. Ça m'aide à me rappeler des films. Alors, je vais vous passer une deuxième musique. Écoutez bien. Your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talk about henna. Alors, c'est énorme parce que je sais que de toute façon, on peut pas te parler de Rain Man. C'est pas Rain Man. Bah non, mais c'est vrai que Rain Man, ouais. Donc, évidemment. Mais alors, c'est pas la même personne qui chante Aiko Aiko dans Rain Man. Là, c'est Amy Holland qui chante ça. Et c'est une comédie. Est-ce que ça a marché ou pas à l'époque? J'ai pas assez de souvenirs pour te dire ça, mais. T'as vu le film, tu t'es dit, ah ouais, si, ça va. Ah si, moi j'ai bien aimé. Non, mais que t'es bien aimé. Ah, il y a des belles nanas. Non, même pas forcément. Mais, ah, il y a des beaux mecs. Non, mais même pas forcément. C'est des robots. Il y a un manga. Il y a un mec avec des t-shirts complètement barrés. Alors, non, même pas. Même pas. Alors, je vais vous faire écouter, là, c'est un extrait de dialogue, ça va peut-être plus vous mettre sur la voix. Sur la voix VOIX. Ouais, vas-y, Daniel. Écoutez bien. T'es sûr de ce que tu veux? T'as bien réfléchi? Oh. Tu sais pas dans quelle galère tu t'embarques? Allons, Brannigan, ça fait des années que je vous regarde faire. Faut pas sortir de Harvard, ce sont des chiens. Après tout, il bosse ce chien au Mexique? Non, là-bas, ils n'en ont pas voulu. Bon, il a un problème? J'ai pas dit qu'il avait un problème. Il est un peu caractériel, quoi. Vous devriez vous entendre. Attends un peu, je te vois venir, tu vas me refiler un taré. Toulet, ce chien-là a vu plus d'action dans sa vie que toi et moi réunis. Trop, peut-être, il est un peu tendu. Bah, c'est pas grand-chose, mais parfois, il est un petit peu bizarre. Il est pas très sociable. Tiens, mets-toi ça. Je ressemble au bonhomme Michelin. Ouais, c'est vrai. T'es gonflé comme mec. Tiens, mets le casque. Jerry Lee. Dis le tueur. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas moi l'homme d'attaque. Si le règlement veut qu'on mette un uniforme, pourquoi t'en mets pas un? Parce que je suis pas fêlé, j'entends pas. Je sais pas, mais t'as vu ses pupilles, il est pas un peu shooté? Donne-lui un ordre, tu verras bien. Allez, le sien. Attaque. D'habitude, on commence par au pied. Alors, je poserai juste une question. Oui. Est-ce qu'un des frères Bellucci est dedans? Oui. Oui, d'accord. Évidemment. Oui. Un des frères Bellucci dedans. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler aussi d'un feuilleton allemand? Oui. Qui est inspiré de... C'est ça, ouais. Il y a eu plusieurs opus. Absolument. Oui, bah, oui. J'ai adoré. Opus pour le chien? Non, pas pour le chien. Ah oui, d'accord. Mais oui, je veux dire, série, en fait. Excusez-moi, je vais aller au bar parce que. Oui. Ah oui, j'ai trouvé. J'ai adoré ce film. Mais oui. Et ouais, mais bah, c'est ce que j'aime aussi. Enfin, l'acteur principal. Ouais, c'est vrai. Voilà. Vas-y. Est-ce que le titre, c'est un chiffre? Un nombre? Pas du tout. Pas du tout. Ah, bah, enfin, oui. En partie, le titre anglais. Ah oui, mais on parle du titre français. Mais Flip 4 est anglophone. Oui, bah oui, voilà. Ah ouais, ouais. Donc, non, mais 4, en français, il n'y a pas de chiffre dans le titre français. Non, il n'y a pas de chiffre dans le titre français. Alors, je peux vous dire qu'il y a également Kevin Teague et Mel Harris qui jouent dedans. Et donc, James Bellucci. James Bellucci, évidemment. Oui, non, mais ça sponsorise Royal Canin. Alors, je vais vous passer un autre extrait qui est dans le film. Petit indice, je voulais dire, on n'en rit pas jaune parce que c'est quand même marrant. Ah oui, c'est marrant, ouais. Mais on n'en rit pas jaune. Pourquoi c'est raté à mon avis parce que pourquoi le titre c'est... À quoi tu penses parce non, que le riz blanc, le riz blanc. Non, mais vas-y, parce qu'à mon avis t'es dans le. Ah non, je vais pas donner. Non, je peux pas. Je vais pas donner le titre. Non. Bah tu le donneras pas à mon avis parce que c'est pas le titre. Oui, bah voilà. Bon. C'était le riz blanc. Vas-y, tu pensais à quoi? Non, bah on verra après justement. Tu ris. Non, mais vas-y, c'est ça le but. N'insiste pas, je le dis après. China Girl. Je vous passe le titre suivant et Flip 4 va nous le dire hors antenne pour voir si on peut le dire à l'antenne, ouais. Justement. Non, allez. Mais c'est pas ça. Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow! I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. Ouais, des arcades de Roudé. Alors oui, ah bah vas-y, Flip 4, donne. Non, vas-y. Bah, oui. Je pense à 1941. J'ai fait et pourquoi non. Pourquoi 1941 ? Je sais plus, il y a quelque chose qui m'a dit Roudé dans le le nom Bradigan, peut-être, ou. Les noms qui ont été cités, peut-être ? Il y avait Branigan et Doulet. Et Jerry Lee. Et l'extrait aussi. Doulet. Et avec les frères Bellucci, donc. Et par rapport aux voix que j'entendais, j'avais l'impression de partir là-dessus. Quoi. D'accord. Ouais, et alors quand c'est assez parodique, 1941, hein, puisque ça fait référence à l'invasion de Pearl Harbor. 1941, c'est quoi déjà c'est ça fait référence à la. C'est une comédie. L'invasion hein. De Pearl Harbor, mais c'est. Je pense que non. Enfin, Flip 4 Sherlock, tu nous confirmes, hein, c'est pas 1941. Non, c'est d'accord. Pas 1941. Est-ce que sur Facebook, justement, on nous donne des réponses ou pas ? Il y a Valérie Storm qui notait les dents de la mère, mais non, comme c'est pas ça, elle m'a noté les dents de ta mère, mais c'est pas non. Ça non plus, Valérie. Valérie, mais, t'as vu ce de ta mère ? Et Val, je t'ai dit, la tisane, ça t'allait pas. Au fait, lis tes messages, il faut que tu me rappelles. Alors donc, je vais vous passer une autre petite musique qui est emblématique aussi de ce film, et ensuite, je vais vous passer un dernier extrait du film. Écoutez bien. Ça c'est Yellow qui chante Oh Yeah. Oh yeah. Alors j'ai vu le clip, c'est kitschissime. Bah tu m'étonnes, bah voilà. Tu vois qu'il avait trouvé, t'as dit Sari Jaune, c'est bien la musique de Yellow. Ouais. Voilà, bravo Flip 4. Mais Yellow c'est sans le W à la fin. donc cette musique on l'entend également dans le film La Folle Journée de Ferris Bueller. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et alors, bon je vais vous faire écouter le dernier extrait. Ça va peut-être vous mettre sur la voie pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Écoutez bien. Dites à votre chien de me les lâcher. J'ai pas entendu. Dites-lui de me les lâcher. Si tu veux les conserver, ça dépend de toi. Écoutez, pour l'autre soir, j'ai rien contre vous personnellement, j'avais un contrat. Mais qui c'est qui a passé la commande ? Ça, je vous jure, j'en sais rien, j'ai jamais vu le client. Ah non ? Un bon conseil ne fait pas le malin. Le chien n'a rien pecté hier. C'est la vérité, je n'en sais rien. On m'a pas dit pour qui je faisais le boulot. Et personne ne t'a parlé d'une grosse livraison du Mexique ? Réponds, Benny. J'en sais rien. Allez, bouffe, c'est du chili. Non, attendez, je suis au courant. Oui, il y a une livraison qui est prévue. J'avais oublié. Par contre, un petit mot, moi qui suis, j'adore le studio. Il y a des coupures. C'est-à-dire, quand il parle, il y a du montage. Oui, je suis en train de l'entendre. Ouais. C'est exceptionnel. Le truc, il y a des coupures. On sent très bien que le micro, en fait, est fadé tout de suite. Il reprend. En fait, il y a eu plusieurs. Ça n'a pas été fait. Moi aussi, je suis passé derrière. Ouais, j'ai coupé des morceaux. Parce que t'as déjà vu les gens qui parlent maintenant. Ils ont un truc timing et tout ça. C'est fait vraiment en flux. Ouais, ça fait un naturel. C'est... Là, c'est assez. Mais là, j'ai coupé aussi. T'as coupé aussi, toi, là. Ah oui, c'est toi qui as fait. Sinon, l'extrait dure 1 minute. Ah, c'est toi qui as fait, d'accord. Alors, j'ai juste une question. C'est pas pour nous mettre sur la piste parce que j'ai trouvé le titre, évidemment. Oui, il y a eu une deuxième édition ou pas? Je me rappelle pas. Trois. Il y en a eu trois. Oui, il y a trois opus. Ah mon dieu. Ouais. Il y en a eu trois. Donc maintenant, pour ceux qui ont trouvé, vous pouvez donner le titre. Ah bah allez. J'ai dit trois opus. Je le vois très bien avec le chien, avec le berger allemand, avec le. J'ai plus le titre. Alors, est-ce que je peux le donner ? Oui, bah oui. On y va ? Vas-y. Alors attendez, je me prépare. On dit ça, tu l'as aussi. J'ai rien mis. Tu l'as aussi le titre ? Ouais. Bah ouais, je te l'ai donné à l'oreille. Quel enfoiré ! Je t'ai posé la question. Bah j'ai répondu. Non. Chien de flic, évidemment. Oui, bien sûr. Moi, j'avais dit Rex, oui, évidemment. Chien de alors, Rex, avec ouais, c'est, ça, c'est la série télé c'est tiré, qui, voilà, qui a c'est été inspirée. C'est inspiré, ouais. Alors, donc, oui, effectivement, c'est l'inspecteur Michael Dooley, qui est un flic peu orthodoxe de la brigade des stupéfiants de San Diego, qui est jugé trop imprévisible par tout son service. Il doit, contre son gré, faire équipe avec un partenaire pour le moins original. Il a quatre pattes, aboie et peut vous repérer de la drogue au quart de tour. T'as fait un film, c'est un chien et il s'appelle Jerry Lee. Donc, si au début leur association peu conventionnelle part sur de mauvaises bases, les fusillades, les querelles, les planques et les déboires sentimentaux ouais, c'était le ouais, chien des Bogdanov. Il a dit nous. Et donc, les déboires sentimentaux qu'ils vont partager vont finir par les rapprocher. Ah oui, après. Je me souviens très bien de ce film, j'étais le voir, je te le disais au cinéma, les arcades à Roubaix, ça existait encore et tout ça. Non, c'était le Club 7. Le Club 7, pardon, je demandais, je me trompais. Les arcades, c'était le pendant je me souviens, qui était pas très pendant. Et je me souviens très bien. Non, les arcades, c'était à Tourcoing. Non, il y avait également les arcades. Ah non, je parle des arcades à Tourcoing. Excuse-moi. Donc c'est là que j'étais le voir. Parce qu'il y avait le Club 7 à Roubaix qui était dans la grande rue, et les arcades. Non, c'est l'inverse. Non, c'est les arcades. Les arcades étaient à Tourcoing. Alors, les arcades étaient dans la grande rue de Roubaix et le Club 7 était le club qui était un peu plus olé-olé. Ouais. Oui, à Roubaix. Oui, à Roubaix. Et qui donnait sur la place là où il y a la voie du Nord. Mais il y avait les arcades, c'était dans la grande rue. Il y avait deux entrées. Ouais, il y avait deux entrées. Mais c'est pour ça que je me fais abuser, mais t'as raison aussi. Le Club 7 était vraiment sur la grande rue. Ça a tourné. Sur la place de la République, il y avait une autre entrée qui était. La rue sur la gare, là. C'est l'inverse. Donc les arcades, c'était Place de la République, le Club 7, c'était Grand Rue, ça c'est certain. Le Club 7, c'était Grand Rue. Et les arcades, c'était... Tu sais qu'il y avait une entrée, Gustave Dron. Oui, non, mais c'est vrai. Et je m'en souviens, parce qu'en 89, c'est ce que je te disais en antenne, etc. Non, c'est vrai, j'étais militaire, c'est la première fois que c'était ma première pipe. Parce qu'en fait, je fumais des Marlboro, des Gauloises, je savais l'armée. Et en fait, je suis sorti avec un mec qui s'appelait... Non, mais je le salue, il s'appelait Calabria, etc., qui était rugbyman, et lui fumait la pipe. Et donc, au cinéma, en 1989, je me souviens, sa première fois, ma première pipe. Et d'ailleurs, j'ai jamais fumé une avant de revenir sur toi, Sherlock, mais vous vous rappelez quand même qu'il y avait un cinéma à Roubaix 2000 aussi? Oui. Ah oui. Trois salles, je pense. Voilà, on venait à 16 spots histoire de pouvoir se protéger. Non, mais sérieux, ouais, en fait, il y avait des films à Roubaix 2000. Oui. Aussi, il y avait deux cinémas. Qui maintenant, enfin, c'est sur l'emplacement de là où. Non, c'était MacArthur Glen. C'était à la place de MacArthur Glen. Non, c'était en face. Si, tu as raison. Non, Roubaix 2000, c'est en face de MacArthur. Bah, aussi. Ah non, pas Roubaix 2000. Roubaix 2000, c'est en face de MacArthur Glen. Non, vous avez raison. Oui, c'est vrai, c'est le même endroit. Oui, c'est vrai. L'ancien MacArthur Glen a été construit sur les cendres de Roubaix 2000. Et d'ailleurs, je connais très bien le directeur donc, du cinéma, le Duplex à Roubaix. On devrait le faire venir parce que ça peut être sympa. Oui, Duplex, oui. Qui s'appelle Monsieur Dardar. Motus. Il faudrait qu'il vienne. Il est super cool, Monsieur Dardar, et s'occupe de toute la programmation. Donc, mais là, le temps, Duplex à Roubaix. Bon, donc. Oui, donc le film est le premier d'une trilogie. Il sera suivi en 99 de Chien de flic 2. Donc, alors le titre. Ça, c'est fort. Effectivement, donc le titre il y anglais. Il y en a eu 3, alors ça, j'y crois. Ouais, Chien de flic 3. Le titre en anglais, si on le dit en français, c'est K9. K9 qui se dit K9. K9 pour la brigade canine. Ah, pas mal. K9, canine. Ah, ouais, oui. Alors, le Chien de flic 2. Le problème, c'est que K9 en anglais, ouais, ok, mais en français. C'est ça. Mais eux, ils ont fait un jeu de mots là-dessus pour les suivants. Ouais. C'est que nous, on a eu Chien de flic 2. Eux, ils ont eu K911, donc K911. Ouais. Et ensuite, pour le Chien de flic 3, c'est K9PI, donc Private Investigation, parce que là, Dooley devient détective privé. Ah oui, c'est vrai. Ça devient n'importe quoi. Enfin, faut être honnête. Non, mais dans leur traduction, c'est plutôt un sacré jeu de mots, parce que le 1-1, j'adore. Ouais, quand t'as commencé à K1-1-1, c'est super bien fou, parce que c'est le 911 que tu composes. Toi, t'as vu le premier. Oui, tout à fait. Tu l'as vu. Oui. J'ai vu les trois, moi. Personnellement, j'ai vu les trois. Mais après, il arrive un moment où tu t'essouffles. Quoi. Oh bah déjà, le premier, c'est nouveau parce que c'est un film qui est filmé avec un chien qui est bien. Et tu dis, c'est sympa. Dès le deuxième, moi, c'est. Le premier est bien. Le deuxième, il rencontre une femme qui, elle, a un Doberman. Alors, elle lui parle en allemand et lui est. Dès qu'on lui dit un truc, c'est assis, clac, il est assis, mais c'est rigueur militaire, quoi, limite. Ouais. Et le troisième, par contre, on voit que James Belushi a pris du poids et tout. Enfin, bref, quoi. Non, il est beaucoup moins bien. Qu'on retrouve le premier, je me rappelle très bien. C'est bien celui qu'on retrouve dans le fameux Ghostbusters. Belushi. Non, c'est Bill Murray. Ah non, il ressemble c'est son frère. C'est son... Attends. Non. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Ouais, tu vois pourquoi c'est je m'habille. C'est Bill Murray qui est dans. Je me suis fait avoir. C'est Bill Murray. Et ils se ressemblent non, beaucoup. Non, Dan Aykroyd, c'est un des frères de James Belushi. Excuse-moi. Non, Dan Aykroyd, pas du tout. Dan Aykroyd, c'est un des frères. Non. James Belushi est le frère de John Belushi qui a joué dans les Blues Brothers, qui est Dan Aykroyd et l'un des frères de James Belushi. Mais non. Allez, je lance un pari. Pas dans la revue. Que James Belushi est l'un des frères de Dan et Dan Aykroyd. Dans le mais pas, ben non, pas du tout. Si, et non. De George, non, John James. Et James étaient de véritables frangins. Ouais. Et Dan Aykroyd Dan est un Aykroyd des, mais pas il avait, un il avait pas le nom. Il avait pas le non. même nom, mais c'est un des frères. Mais tu veux quoi là? Tu me cherches là ou quoi? Vas-y, monte sur la table. Chier dans le ventilo. Tu veux qu'il paye ta gueule? Regarde, par contre, ça m'intéresse parce que là. Ah donc là, t'as chié dans le ventilo, ça par contre, c'est une réplique de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui. Et ça par contre, je te mets au défi d'aller le regarder. Merci, génial. Alors donc, contrairement à ce qui est noté dans le générique, Jerry Lee n'est pas joué par Jerry Lee. Parce qu'il y a noté qu'il y a Jerry Lee. Donc, il n'est pas joué par Jerry Lee, mais par Rando, un berger allemand de 3 ans, originaire de l'Allemagne de l'Ouest. 1 an de recherche ont été nécessaires pour trouver le bon chien pour le rôle. Plus de 40 chiens ont été auditionnés, mais aucun des bergers allemands américains n'a été jugé approprié. Tu t'appelles comment? Non, c'était le problème de la langue. Oui, mais il faut quand même qu'il y ait tous les gestes et tout ça. Enfin, il y a des trucs spécifiques. Ouais. Rando s'est entraîné pendant 3 mois avec Carl Lewis Miller et a appris à comprendre les commandes en anglais. Il faut savoir que lors du dîner donné par le gangster donc dans le film, qui s'appelle Lyman, il y a un majordome qui traverse une pièce derrière une porte. Le majordome était Michael G.R. Gill, qui travaillait avec le personnel de restauration engagé pour le film. Après le tournage, il servait les aliments utilisés dans les scènes, au casting et à l'équipe. Jill n'était pas acteur, mais était en réalité un véritable majordome anglais et a pendant 7 ans été majordome de l'acteur britannique Lawrence Harvey avant sa mort. C'est qui le Lawrence Harvey ? Je sais pas du tout. Ah d'accord. Voilà. Okay. Ça, c'est pour alors, vous. Est-ce que tu te souviens que dans le film, Dooley, donc qui est joué par Jim Belushi, joue un petit jeu électronique. Ah bah c'était pour faire style qu'il a le singe commande, oui, c'est ça. Donkey Kong. Alors Donkey Kong. Non, et ben justement, non j'ai retrouvé parce que Nintendo. J'ai fait c'était un jeu Nintendo. C'était un Game & Watch effectivement. Ouais. Donc c'est un Game & Watch de Nintendo. On est en train de perdre Missa, tu peux le dire en français. Alors les Game & Watch c'était des petits jeux électroniques, tu sais les petits jeux qu'on tenait en main où il fallait juste déplacer un bonhomme ou des trucs comme ça. Ça s'appelait les Game & Watch. Énorme. Il y en a eu beaucoup dans les années 80. Et en fait il y avait une autre marque il y avait Bandai qui faisait des jeux comme ça. Oui, Bandai. Ah, Bandai ouais. Il y avait Bandai, un jeu préchargé. Et... Bandai. Ah oui, Bandai. Bandai. Yeah, Bandai. Alors, j'en ai encore. Sérieux, donc, le jeu sur lequel joue Dooley pendant ses planques est un Game & Watch de Nintendo du nom de Manhole. Ouais. C'est d'ailleurs à la deuxième version du jeu sorti en 83 qu'il joue. Et ça, je me suis renseigné moi-même. J'ai été chercher sur Internet à quoi il jouait. Parce qu'on le voit furtivement dans une scène. J'ai mis pause, j'ai regardé ce que c'était pour aller voir. Hein, et il joue dans quoi alors? De quoi? Bah, t'as été voir. Bah, alors, Manhole, en fait, c'est un petit bonhomme en fait, qui devait passer des ravins. Mais en aucun cas, il ne rigole. C'est un truc qui a été rajouté dans le film. Ça, par contre, le petit rire qu'on entend, le... À un moment, on entend ça dans le jeu. Ça, c'est pas du tout dedans. Alors, donc, deux versions de la scène de la mort de Lyman ont été tournées. Dans la première, Lyman court vers un hélicoptère, il tire sur Jerry Lee et est ensuite abattu par Dooley. Donc ça, c'est la version qu'on connaît du film. Dans la seconde, il tire sur Jerry Lee et est ensuite tué par l'hélicoptère qui s'échappait. Je me rappelle pas, mais je me souviens très bien du film, mais alors, pas du pitch. La scène où Rando, donc qui incarne le chien Jerry Lee, est sur une table, endormi ou mort, on ne sait pas encore à cet instant-là, n'était pas dans le script. L'équipe de tournage a vu Rando jouer cette scène spontanément, alors que rien n'était prévu. Il était si hilarant et la caméra était dans les positions idéales avec le bon timing et dans le bon angle qu'ils ont tourné la scène en une seule prise et l'ont gardé, le trouvant irrésistible. Et alors là, j'ai trouvé une petite erreur dans le film. À un moment, dans le film, Jerry Lee arrache le rétroviseur de la voiture de Dooley. Celui-ci le réprimande pour avoir endommagé sa Mustang classique de 68. Or, dans la VO, il dit « Classic 65 Mustang ». Donc déjà classique 65. Ce qui est également une erreur parce qu'en fait sa voiture est une Mustang 66 qui est pas du tout classique. Voilà. Et voilà. Chipote. Bah non, mais il y a pas, il y a deux erreurs, c'est pas Rando, c'est Rambo. Donc bah voilà. Écoute, super, ah ouais, super. Chien de flic évidemment. Et moi je me suis éclaté à revoir le film, franchement. Ah bah non, ouais. Alors tu me poses la question, donc maintenant je te réponds. Ouais. Tout à l'heure, il y a 10 minutes. Je n'en ai vu qu'un sur les trois. Ah, là, bah, le premier. Oui. Moi aussi, j'ai vu que le premier, honnêtement, Calonne. Le premier, Calabria. Bon, je sais pas, toi, tu as sorti un mercredi, c'est bon. Non, c'est un vendredi. D'accord. Oui, écoutez, il l'a dit tantôt. Ouais, je sais. Alors, tu l'as vu au moins? Bah, écoute, si je l'ai trouvé, oui. Mais. T'as rien trouvé du tout, je te l'ai dit à ton oreille. Je t'ai dit, menteuse. Tu m'as mordi. Mais quelle menteuse. C'était pas mon oreille. Mais quelle menteuse. Incroyable. Bah, toi, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, évidemment. Alors, donc, j'ai Michael qui est parti voir sur internet, sur Wikipédia, donc il dit c'est à prendre avec des pincettes. Mais Dan Aykroyd était très ami avec John Belushi. Ouais. Donc les Blues Brothers. Ouais. Mais je crois qu'ils sont frères ou décédés, donc qui est décédé en 82, mais ils n'ont aucun lien de parenté. James, voilà. Donc James qu'on appelle aussi Jim Belushi, eh bien le frère de John, mais ils n'ont aucun lien de parenté avec Dan Aykroyd. Je suis pas sûr. Alors dans le film, dans le film les Blues Brothers par contre, John et Dan Aykroyd, ils ont un père commun ou une mère commune, je sais pas. Non, non, je ne pense pas. Bon, ok. Voilà. Bah écoute, merci Mike pour l'info. T'as à vérifier. Très certainement raison, on va vérifier. Et John Belushi, je crois qu'il est mort d'une overdose en 82. C'était été 82. Je t'interromps avant de partir à 22. On va faire la promo. Ben, on va en faire une juste après cette coupure musicale. Ouais. Canon, évidemment. Alors, petite coupure musicale. Oui. Avec un titre, bah vas-y, à toi la programme. Ah, les Blues Brothers, tiens. Ah tiens, ce serait pas mal, tiens. Ah, je vais regarder si j'ai ça, mais Blues Brothers... Oh, tu dois la voir, évidemment. Alors, non, si t'as pas, vas-y, mais par le temps que tu... Ah ouais, ça j'aime bien, moi. Les JG, non, j'ai ça pour les connus. Ah, Sherlock, le temps que tu es, tu recherches donc ta programmation, je voudrais quand même faire un petit coucou à Marjorie. Marjorie qui nous écoute et qui s'est fait opérer là... dernièrement, donc il y a la semaine dernière, donc et qui nous écoute, qui nous envoie des messages qu'on adore et avec qui j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller au concert de Sarah Le Thor et et tout le monde adore Marjorie évidemment. C'est pas facile pour elle, donc on la soutient. Plein, gros voilà, on lui fait tous un gros bisou et moi encore plus gros bisou parce que j'adore Marjorie. Hein? Et pourquoi toi plus que nous? Parce que j'adore Marjorie. En sachant que en sachant qu'il faut qu'elle garde son énergie, parce que je vous parlerai de son actualité au mois de septembre, elle va participer à un album. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ouais, parce que c'est une super artiste, elle est, c'est une super sportive. Personne. Et alors, le pire, quand on sait qu'elle est beaucoup plus sportive que nous, dans les conditions dans lesquelles elle est, on se dit, bah les gars, il va falloir qu'on se bouge un peu le cul. Hein, Charlotte, bah, surtout Calon. Hein. Ouais, c'est clair. Oh, moi, ça va. Voilà. Bah oui, moi aussi, le premier, voilà. Donc, je fais un petit coucou quand même à Marjorie, parce qu'on l'aime beaucoup. On lui fait un gros coucou. Et on lui fait un gros coucou. Ouais, un gros coucou. Alors, malheureusement, j'ai pas les Blues Brothers ici, oh. Bah, mais je le prendrai. T'as la Mano Negra. Ah bah ça rigole pas, je dois l'avoir. Ah bah Manu, c'est pour ça que je le dis. Pas les Blues Brothers, on aura les Manu Negra. Il y avait dit Barzotti. Ah, parce que ça. Barzotti. T'as dit Barzotti. Ah, oui, j'en ai, oui. Ah bah mets du Barzotti. Ah, alors, je danse avec. J'ai Manu Negra. J'ai dit Barzotti, c'est comment ça s'appelle? Manu Negra. T'as quoi de Barzotti? Alors attends. Barzotti. Eh Barzotti, attendez, Barzotti est prêt à venir ici. Je vous le dis. Ah oui, très bien. Il est prêt à venir ici. Alors Claude Barzotti, j'ai Elle me tue, je ne t'écrirai plus, le Rital, Madame, prends bien soin d'elle. Ah, prends bien soin d'elle. Ah oui, ça j'adore. Ah si, prends bien soin d'elle. Non, prends bien soin d'elle. Ah, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Mais tu n'écoutes que lui là. Donc, ah bah tant pis, attendez les gars. C'est talk show. Non, c'est pas talk show. Arrête. Vas-y, choisis maintenant. Canon, choisis. Ah mais je laisse les auditeurs. Non, c'est pas ça, mais on va enchaîner. Elle met de la musique à un moment. Donc, on va partir avec La Mano Negra et King Kong 5. Ouais. Et ensuite, on reviendra avec Claude Barzotti et Prends bien soin d'elle. Ah, c'est parti. Now listen to the beat, a beat of the song, song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, beat of the song, a buzzing in my head like a bomb down.

Soin de... Waouh, c'était chaud dans le studio. Eh ben oui, mais écoutez, wow, écoute, il faut écouter les paroles. Ah ouais, sont alors ah oui, à chaque fois on me dit mais écoutez les gars, mettez une caméra dans le studio, machin, ce serait sympa, machin. Ouais. Non. Bah non, parce que vu ce qu'on a fait là, non, c'est pas possible. C'est on avait Véro avec Axel qui dansait, moi j'ai dansé Konissa. Non, ça ne se fait pas. T'as Sherlock qui dansait avec Flipkat. Non. Donc rien que pour ça, il faut pas le montrer par vidéo, donc je sais pas. Et c'est vrai, hein, ça c'est la vraie question, hein, à chaque fois. Alors Canon, lui, il est pro vidéo en disant tiens ouais, mets une vidéo, machin, essaye de mettre une webcam pendant l'émission. Bah moi je suis pas pour. Alors après les gars, si vous avez envie de le faire, faites-le, mais moi je suis pas pour que l'émission soit en direct tout le temps. Je pense simplement que en différé, moi j'ai toujours aimé le différé. Il y a des moments que nos auditeurs entendent où on rit, comme tout à l'heure on a été très bon et parfois on peut être très mauvais, c'est qu'on a des moments où vous nous entendez rire et on discute entre nous, et c'est vrai qu'il y a des moments super, c'est nos intentions et on rigole, etc. Voilà, non, si quand tu sautes sur Flipkat, Tony, ça c'est des grands moments, quoi. Donc ouais, mais il y a des moments c'est un peu gênant là comme par exemple on m'aurait vu galocher Onissa, moi c'est surtout moi et Charles galocher, ça c'est bien un truc des années 80, les gars. Il va la attends, je vous fais rouler une pelle à Onissa. Si tu peux mettre une musique douce, hein, ouais. Attends, mets-moi. Vas-y. Mais un ancien terme. Asking Loving You. Oui, il adore ça. Ah ouais, bah ouais. Ce soir, j'ai les pieds qui t'as pas You Raise Me Up. Vous avez connu ça dans les années 80. Vous allez me dire si ça vous rappelle. Parce laquelle? Qu'on parlait comme Sophie. Non, c'est pas la musique. Écoute bien, je vais vous faire Harry avec Onissa. Oh, j'adore cette chanson. Onissa, salut. Est-ce que tu voudrais marcher avec moi? Oh non. Ah si. On disait tu veux marcher avec moi. Est-ce que tu voudrais marcher avec moi? Est-ce que tu voudrais marcher avec Harry? Parce que Harry, c'est mon copain. Tu réponds quand tu veux pour me donner la réplique, hein, putain. J'en ai connu des cruches comme toi. Est-ce que tu voudrais... Mais si, marcher ensemble. J'ai fait sortir. Ah non, on disait marcher. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était est-ce que tu souvent... veux marcher avec moi? Tu peux aller lui demander si tu veux sortir avec moi. Ouais, c'était toujours les potes qui allaient demander pour sortir, mais pas marcher. Onissa, salut. Je suis copain d'Harry. Tu voudrais marcher avec lui? Non, merci. Marcher? On appelait ça marcher dans les années... ouais, t'es un peu plus jeune. Ouais, non, pas 70, je vais te le dire. Attends, dans les années... Non, vous parlez de 80. Vous êtes souvent dans les 80. Je vais te laisser là, parce qu'il y a les Platters qui chantent Only You. Je m'en vais danser. Vous dites souvent les années 80, vous êtes plutôt 85-86. Marcher? Non, mais vous êtes plutôt 85-86. Oui, moi, à 13 ans, en 1980, j'avais 13 ans. 2-3 ans. À 15 ans, mais non, à 15 ans, mon adolescence, pile tout ça, c'était 1982. Et on disait à une fille, est-ce que tu voudrais marcher, même Sherlock à mon âge, le sait. Est-ce que tu veux marcher avec moi? Bien sûr. Est-ce que tu veux marcher avec moi? J'ai jamais entendu sa voix. Non, j'ai des auditeurs. On disait, est-ce que tu veux marcher avec moi? Attends, tu te souviens? En même temps, tu demandes ça à Patrick Topalov. Et après, on dit. Après, tu disais aussi à quelqu'un, est-ce que tu veux que je te galoche? C'était. Galocher, mais ça. Tiens, pendant qu'il y a de la musique. Charles Aznavour, attends. Allez, pendant qu'il y a de la musique, chers auditeurs, excuse-moi, je parle fort, je vais capter un peu l'antenne parce qu'on va parler en fait d'une star qu'on avait reçue. Oui, c'est monsieur Fabrizio Zeva. Oui, voilà, Fabrizio Zeva, on l'adore. Avec une voix exceptionnelle, donc chanteur moucronois qui actuellement s'est produit récemment à Paris, a fait un spectacle de Brassens. C'est vrai. Revient avec un nouvel album parce qu'il a une écriture, alors je l'ai pas sous les yeux, mais il y a une écriture assez formidable qui a été faite pour lui, donc il va produire un album et là il va se produire en fait le 25. Donc de ce mois-ci. Alors je sais pas où est l'affiche, je vous la donnerai tout à l'heure, mais sachez que pour tous ceux qui nous écoutent, mais je peux parce te qu'il dire où ça se passe. Ah tu l'as, donc c'est ça que je voulais savoir. À la Grange, pardon, c'est ça que je cherchais. Donc alors, la date par contre, j'ai pas Le 25. À la Grange à Moucron, on vous donnera les horreurs. C'est fait par l'association en fait Un rêve, une étoile et tout est possible, qu'on a reçu très souvent, qui crée des événements. À savoir une seconde chose, c'est que en fait cette association autour du mois de septembre, on va se voir en studio avec Fabrizio Zeva, avec, tu as cité Marjorie Dumouriez, qui va chanter sur l'album. Je vais participer à cet album, donc on va faire un album studio avec vraiment des enregistrements live, professionnels, pour faire une chanson qui est avec... Bayard. Salucci, non, ça c'est vraiment très bien. Non, comme si. C'est vraiment super bien fait. Moi, je me suis dit au départ, quand j'ai reçu les textes et tout ça, ok, c'est vraiment très ça. C'est un projet de longue date, je pense. C'est un projet de longue date. Donc, on a commencé à voir ça il y a un an de ça, ouais. Et puis là, ça va sortir. Moi, je me suis dit, ok, ça va donner quoi? On est vraiment dans la veine de les Restos du Cœur, We Are the World, etc. C'est une sacrée écriture. On va s'éclater. Ça va être une chanson vraiment fédératrice. On fait ça au mois de septembre. Et en attendant d'écouter Fabrizio Zeva, donc le 25, si vous avez aussi envie de m'écouter, parce que je vais me produire le 24, donc à la fête, la Ducasse du Nouveau Monde de 13h à 15h. Mais comment ça se voilà. fait qu'on est au courant au dernier moment, parce que dans le quartier du Picourtret? Non, la Ducasse du Nouveau Monde, c'est pas le quartier du Picourtret. Voilà. La Ducasse du Nouveau Monde, donc c'est le 24, donc avec Laurent Arduin, etc., c'est au Nouveau Monde. Voilà, à Moucron. Et ensuite, une fois que j'ai plié à 15h, je vous donne rendez-vous au restaurant Le Touareg de Waterloo. Ah ouais, je chanterai la dernière fois un set de 40 chansons les plus romantiques et tout ça des années 80. Tu vas chanter un set de table? Je vais chanter un set de table. Voilà. Donc c'était, je suis très content, c'était blindé la dernière fois, là déjà c'est réservé. C'est vrai. Moi j'ai eu que c'était des bons retours. Ouais. Je suis très fier de ça, sans prétention. J'étais très content moi, que ça fonctionne. Je suis très proche de chez du Touareg, puisque ma sœur habite à trois maisons, et elle a eu de très bons retours. Moi aussi. Elle m'a dit, moi j'aimerais bien. J'ai le plaisir. Y aller, voilà, et on passera. Juste ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir pour Youssef, pour moi. Alors, je ne mangerai pas forcément. Donc, c'est 29. Je vais le faire, ma promo. C'est le 29 euros donc c'est 29 euros pour un repas avec l'apéro de bienvenue, un méchoui complet, il y a les petits gâteaux, il y a une bouteille de rouge, de rosé ou de blanc pour deux personnes et tout ça pour 29 euros. Mais si vous venez, c'est entrée libre parce que c'est pour la fête de la musique. Je sais pas. Ouais. Donc c'est entrée libre. Vous venez boire un coup, ça me ferait super plaisir. Le set sera de la même qualité. Youssef n'attend pas que les repas. Il attend, il y aura, je crois, une tonnelle. On fait des choses qui vont être vraiment bien. Et donc c'est pas la promo d'un restaurant, c'est que voilà, je me produis non, un artiste. Voilà. J'ai même pas l'occasion, c'est le spectacle. Et je vais amener. J'ai le spectacle avant. Je vais venir après. Tu viendras après. Excuse-nous. On aura rendez-vous. Et je vais amener une jeune chanteuse, assez talentueuse, que je présenterai sur scène pour la première fois et tout ça, et qui m'a demandé si je pouvais l'aider. Non. D'accord. Absolument pas, non. Non, et que j'ai repéré, qui est venu vers moi en me demandant, tu connais beaucoup de personnes, tu connais. Je dis, tu sais, le monde de la chanson, c'est assez compliqué. Je suis vraiment pas un pro, mais bon, je sais un peu comment sont les ficelles. Elle a dit, voilà un peu ce que je fais. Ah ouais, t'as été repéré, non? Il va falloir. Assez impressionnant. 18 ans, je suis scotché, acoustique guitare, c'est un ovni. Donc voilà, je vais l'inviter à chanter deux chansons, tout ça. Elle est très jolie. Elle ressemble à Roswell, excuse-moi. Elle est très jolie. Donc voilà, donc la Ducasse du Nouveau Monde, donc c'est très connu à côté de l'église. Vous aurez la salle, c'est à côté de l'escale. Donc on n'a pas le temps d'en reparler jusqu'à la semaine prochaine puisque c'est déjà ce week-end. C'est déjà non, c'est le 24. Hein. Non, c'est dans mon. C'est le 24. Oui, je sais. Bah oui, parce qu'il faut donner la parole à aussi un nouveau jeune. C'est pour ça que je l'ai capté 3 minutes. Un nouveau jeune. Ah oui. Un nouveau monde. Un nouveau. I feel good. Alors tu vas nous parler de et tu vas nous parler de tatou. De rose tatou. Rose tatou. Rose tatou. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe à l'origine australienne. Pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que je ne sais plus à propos de quoi. On avait fait une petite parenthèse là-dessus la semaine dernière. Il y a peut-être eu une reprise. On a fait une allusion à ce groupe-là. Je pense qu'on a parlé des radios pirates. On a rebondi sur Radio Pirate. Ça doit être ça. Avec Caroline, évidemment. Alors, moi perso, c'est un groupe que je connais. Hein, je vais vous passer quelques morceaux. En fait, donc, c'est un groupe qui a été formé à Sydney, puisque donc un groupe australien, par Peter Wells, ex-bassiste du groupe Buffalo. Alors, la devise de Wells, il avait déjà tout bien défini au niveau du line-up, de la présentation, du style du groupe, c'était que pour faire partie du groupe... Je vais te chier, c'est quoi le line-up? Définir la ligne directrice, en fait. Le chemin à prendre sur le groupe. Excuse-moi, je suis un novice, donc je ne sais pas... Quand tu mets sous tes yeux, tu mets du line-up. C'est une ligne directrice qui met tout ça. On sait bien, tu te maquilles comme moi. Bien sûr, toi aussi, quand tu es maquillé en fille dans Évasion. Non. Et c'est aussi définir le nombre de membres qu'il va y avoir dans un groupe. D'accord. Parce qu'on a déjà vu des groupes qui à l'origine étaient... Non, je ne savais pas, sérieusement. Ouais. qui était à l'origine formé d'un trio, c'est-à-dire Structure Minimum, basse, guitare et puis batterie, et qui ont fini à 6, voire parfois 7, en ajoutant des cuivres, des choses comme ça. Donc en fait, voilà, il était très exigeant, puisque pour lui, tous les membres, il ne suffisait pas d'être musicien, mais pour pouvoir entrer dans le groupe, il fallait avoir au moins un tatouage. Et il était aussi très exigeant sur la coupe de cheveux, puisque pour lui, c'était minimum cheveux courts, voire complètement crâne rasée. Ah ouais, carrément. Alors, c'est vrai que j'ai complètement zappé. Un tatouage obligatoirement. Ouais, c'était comme ça, il avait défini comme ça. Un malabar, ça marchait pas. Non. Quelle idylle, malabar. Et d'ailleurs, on reconnaît les ringards. On se souvient avec un malabar. Je suis désolé, j'ai oublié. Mais pourquoi? Parce que, attends, tu peux avoir du talent, t'es pas obligé d'avoir. Non, mais il a défini. Oui, mais c'était comme ça, c'était à l'aïe. Ah ouais, d'accord. Voilà. Je peux comprendre quand tu joues dans c'était un groupe avec un style bien particulier, ouais. Voilà quoi. Oui, c'était c'est bah, moi ça je suis complètement ouais, c'est ils se sont donné un d'entrée, ils se sont dit avant la musique tout ça, on va se donner une image. Tous crâne rasé, tous avec un style, tous avec un tatouage. C'est la façon de se faire remarquer, c'est vrai qu'après si notamment lors d'une prestation live, le groupe est pas bon, que ce soit musicalement mais si tatoué crâne rasé qui chante comme un pied Bah, voilà. Tu sais, dans des trucs ringards, pour moi, c'est tu prends Alliage, le code, c'était je chante mal, c'est complètement ridicule, etc. Non, mais Alliage, attends, quand je retire mon t-shirt, d'accord, ouais. Même que je sois machin, j'ai une bulle de beau gosse, mais quand tu vois la tablette de chocolat, c'est tout le monde l'a pas. C'était leur signe de fabrication, fabrication. Chocolat, toi, tu veux dire, pas une tablette. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on va faire une petite parenthèse, on parle d'un tout autre niveau. Oui, bah, je vais pas mentionner. Groupe, ouais, surtout. Mais c'est un groupe de la région. Je vais pas mentionner le nom du groupe. Ça fait deux fois que je les vois. J'ai vu quelques échos et je confirme ce qu'on m'avait dit. Je vais pas les nommer par respect parce que j'ai des potes. Bref. Le groupe, très franchement, quand je les ai vus jouer, j'ai l'impression qu'ils étaient en répète ou qu'ils sortaient d'avoir été faire leur course à Carrefour. Quoi. Avec le t-shirt, les jeans. Non, mais c'est parce que c'est pour fermer la parenthèse par rapport à ce qu'on a dit au niveau de la présentation d'un groupe. Tu parles de quel groupe alors? Non, il peut non pas je ne veux pas le mentionner. Pourquoi c'est un groupe de la région. Et très franchement. Mentionne-le. Non, c'est pour ça que c'est important un line-up. Non, mais c'est tout ça pour dire que même l'image d'un groupe, quand il y a une cohésion au niveau de l'image, il y a une identité. Pourquoi tu ne le dis pas? Parce que je. Bon, enfin, tu peux le dire. Non, c'est pour les descendre, parce que franchement, c'est. Tu les descends. Oui, non, mais c'est pas. Tu leur dis, tu dis simplement que. Les formants. Voilà. Non, sérieux, vas-y, dis-le. Je vais continuer parce qu'on va prendre du retard. N'insiste pas, je le dirai pas s'il faut. D'accord. Si, j'insiste. Tu sais que je suis une tête de mule. J'insiste. Ouais, les mopechos, là. Moi, je veux savoir la suite, ça m'intéresse. Bah, le mopet, il aimerait bien continuer, quoi, en fait. Vas-y. On t'écoute. Hein? Donc, je le disais, on revient là-dessus, donc au niveau de la présentation, les cheveux courts, voire le crâne rasé, et jusqu'à la tenue vestimentaire, effectivement. Alors, c'est à cette époque donc, que Wells donc, rencontre le futur chanteur du groupe, Angry Anderson. C'est celui qui est sur le groupe, à la plus grosse tête, vraiment une tête de skinhead. Quoi, leader, en fait. Quoi. Et c'est vrai que je suis désolé, ce soir, j'ai complètement zappé de balancer la petite photo qui va bien avec, pour annoncer ma chronique. Mais les deux premiers albums, de toute façon, les pochettes sont pas bien différentes l'une de l'autre, puisqu'elles présentent le groupe torse nu, avec le crâne rasé et puis les bras croisés. Excuse-nous, on peut en rantaine, je sais pas si Sherlock rappelle le nom du groupe. Rose Tattoo. Rose Tattoo, tu peux peut-être trouver en JPEG, la pochette d'un album. Et en plus, les pochettes se ressemblaient toutes, parce que la spécialité des éditions australiennes, pardon, c'est de mettre des photos, puisque comme il y a eu des shootings de feu, à l'époque ça existait déjà, met plusieurs poses et... Voilà. Alors, donc, Angry Anderson, lui, venait de la ville de Melbourne. Et en fait, ce qu'il avait fait, qu'il s'était fait remarquer lors du casting, c'était sa voix, qui était comparée à celle de Rod Stewart. Ah, quand même, sympa. Alors, puisque, comme toujours, il faut mettre une étiquette pour pouvoir identifier le style du groupe, je dirais que ça fait partie des bases de l'époque. Il faut voir, on est encore sur la fin des années 70, de ce qu'on appelait le hard rock. Ah ouais. Bien que, puisque la fois dernière, on en a avec parlé, la voix de Stewart. Ouais, ils en sont venus quand même à un style beaucoup plus heavy metal, mais à la base, c'est vraiment du hard rock australien, qui plus est. Alors, en début 77, le groupe était composé de Ian Riley à la basse, Mick Cox à la guitare rythmique, Dolos, c'est son nom, Dolos Royal, ça doit être un pseudo, Dallas Royal en fait, à la batterie, et Angry Anderson, donc au chant. Et ils avaient signé un contrat dans une maison de disques. Alors, la maison de disques, ça ne vous parlera pas. Albert Productions. En fait, Albert faisait une émission ici qui s'appelait Rendez-vous avec. Voilà. Il y a encore quelques semaines. Exactement. Donc, ils ont signé chez Albert. Et qui était connu pour être la maison de disques du hard rock australien. Puisqu'à cette époque, AC/DC avait signé sur ce label. Ah ouais, aussi. Voilà. Alors, effectivement. en 78, je vous ai sélectionné un titre, ça ne va pas vous parler, pour vous donner et définir un petit peu le style du groupe. Ça s'appelle c'est Bad Boy for Love, pardon. Et ça, c'est 78. On était en train de parler à l'antenne. Ouais, il y a une guitare folk derrière. Alors, c'est pas une folk en fait, c'est de la slide. Ouais, mais il y a. Ouais, après, ça, bon, c'est... voilà, ou une Takamine, ou je sais, mais il y a un truc, c'est assez rigolo. C'est, pas, c'est vraiment sur une guitare électrique, mais ça joue qu'un tuba. Ah ouais, ouais, c'est rigolo, ouais, ouais. Non. Voilà. Donc là, on est en 78 avec ce titre Bad Boy for Love, un des premiers singles. Hein. Pour info, pour les auditeurs, j'ai mis. Un petit trombinoscope des Rose Tattoo sur la page Facebook. Excellent, bravo Sherlock. Très bien, merci. Merci. Alors donc ça avait été, ben, maintenant vous l'avez compris, quand on entend le style, le son. Voilà. Absolument, on voit la photo sur internet, vous l'avez sur page 80 à l'heure. Si on vous rappelle que si vous tapez émission 80 à l'heure sur FQC 95, vous l'avez sur Facebook. Vas-y Flipper. Alors ça c'est un des albums sur lequel on va revenir après. C'est très gay comme... Oui je disais donc on comprend pourquoi et on comprend d'autant plus pourquoi ils ont signé sur le même label que ici. Ouais, voilà. Quand on entend le style, c'est pas mal. Ça sonne c'est comme... voilà. Et il faut savoir qu'ils ont tourné également lors de premières parties avec ACDC entre autres, hein, ou un groupe comme les Kids Australiens est très peu connu, les Angels. The Angels. Voilà. Donc en 78, le groupe enregistre son premier album, intitulé tout simplement Rose Tattoo. Et pour l'expo, il a été baptisé après Rock'n'Roll Outlaw. Donc c'est Rock'n'Roll hors la loi en fait. Hein, qui dans un premier temps, alors tenez-vous bien, là on est en 78, il sera commercialisé en dehors de l'Australie. Par exemple pour la France en 80 seulement et encore beaucoup plus tard dans d'autres pays. Bah non. Ah ouais. Et bah oui, parce que en fait leur musique avait été jugée quand même assez agressive et assez violente. Ouais, voilà. Hein, on est quand même à l'époque aussi des débuts des Ah bah on parlait deux secondes, 80, 85, 86. En 86, il y a plein de trucs qui se sont affranchis. Souvent, on parle de trucs de 86, 88, mais c'est vrai qu'en 80, oui. Je suis assez d'accord, il y a plein de trucs qui étaient interdits. Hein. Ah oui, c'était assez novateur au niveau du son. Moi, avec mes parents en 80, je faisais pas non plus ce que je voulais. C'était quand même un peu l'ancienne époque, un peu plus libéré. 86, c'était déjà plus. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc la spécialité, ça, c'est, un petit peu pour les collectionneurs, pas un leitmotiv, mais un but. Et moi, je sais que je suis tombé un peu là-dedans. C'est le plaisir, c'est d'aller dans les conventions et de trouver les différentes pochettes des différentes éditions australiennes. Ouais. Selon les années, il y a le même album, surtout les singles, ça c'est la spécialité, avec 3, 4 pochettes différentes. Oui, carrément. Pour le même, oui. T'as plaisir, franchement. Et pour je peux vous dire ça. Il y a des éditions sur les 4, par exemple, avec 4 pochettes différentes. Il y a une des 4 qui coûte plus que les autres. Ouais, voilà. Parce qu'elle a été tirée en moins d'exemplaires. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait, hein. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de groupes. Et c'était la spécialité, justement. Pour ressortir un peu l'album et y changer le. Et c'est ici la fait aussi, sur les premières éditions. Oui, ouais, absolument. Ouais. Voilà. Donc c'était un petit peu aussi la spécialité, on va dire, notamment australienne. Voilà. Donc après, on arrive tout doucement, mais sûrement, à 80, puisque, comme je le disais, il est sorti qu'en 81, le premier album, hein, pour la France. Alors justement, 80, qu'est-ce qu'on avait? Puisque bon, j'ai essayé de faire une petite recherche sur les titres les plus connus. Bah, en fait, même moi, je vous avoue qu'il y a des titres qui sont soi-disant parmi les plus connus, qui ne me parlent pas. On avait également, par exemple, All the Lessons, qui est sorti en 81, issu du premier album. D'un groupe hard rock. Ah ouais. Et les quatre gars qui étaient. Elle faisait rock. Mais tu faisais quoi toi? pu chanter. Ouais, c'était excellent, ça me rappelle des souvenirs, j'avais oublié. Ah bon? Ah ouais, Onissa, chantait du hard rock. Onissa, Onissa, je désespère pas de vous l'entendre chanter parce qu'elle chante très très bien. Hein. Mais ah, ça, c'est vrai. T'as pas vu, ils ont, repris une vidéo d'Onissa, ils en ont fait une pub là, il y a quelques temps. Où tu vois une gosse qui fait Enfant de l'eau! Je crois que c'était pour Magnum. Mais non, mais je te promets que ça m'a fait. Onissa, tu nous apporteras tes maquettes pour qu'on puisse les écouter. Ben, on va s'arranger, on va te faire des maquettes. Mais ouais, ça me rappelle, j'avais complètement zappé. C'est en écoutant les livres. Ah, je dis ouais, je purée, on s'éclatait un peu. Je me rappelle parce que j'ai vu une vieille vidéo d'Onissa qui disait All, you will know all about the Zaza, yeah! Oi, c'est Skin, ça, hein? Ouais. T'avais des docs à l'époque alors. Zaza, c'est international. Allez, vas-y. Allez. Donc je l'avais souligné tout à l'heure, effectivement, bah, vous l'avez vu un petit peu au niveau du style. C'est un album qui était d'une rare violence pour l'époque. C'est ce qui explique qu'à partir du moment où ils ont trouvé la faille, ils ont profité de la faille qui avait été ouverte déjà avec AC/DC, en signant sur le même label pour commencer à se faire connaître. Donc à partir de là, ils ont profité un petit peu des tournées, puisqu'ils ont fait les premières parties d'AC/DC, entre autres. Hein. Et ils sont partis donc pour une très grande tournée, jouant partout, et cela donc, a été possible, et leur a donné à ce moment-là, évidemment, une porte ouverte, et par la même occasion, une belle réputation, quant à la puissance sonore développée sur scène. Ça donne déjà une idée studio, voilà. Donc à partir de là, il faudra quand même attendre la fin de l'année 80 de cette tournée pour eux rencontrer le succès commerciaux. Parce qu'ils ont quand même pondu, j'ai regardé pas mal de singles qui n'ont pas percé, mais par chez eux, oui. Hein. Et donc à partir de là, après, à l'issue de cette tournée, ils ont sorti leur second album qui s'appelait Rose Tattoo Assault and Battery. Alors, qui veut dire Edno? Alors justement, le titre, je l'ai pas voulu traduire. Les assauts, ça peut être les assauts, comment dire, dans le sens de ce qu'on peut percevoir comme ce qui est agression, ouais. Un assaut. Par contre, par rapport à ce que mais tu me dis, battery, assault. Moi, je l'entends à assault en mot, hein. And battery, tu vois. Moi, ouais, je l'ai compris comme ça, tu vois. Je sais pas s'il y aurait pas un jeu de mots avec asshole qui est trou du cul et butt qui est le cul, en fait. Non, tout à fait. Mais ça n'a rien à voir avec toi, Sherlock. Hein, on parlait de. Non, mais à l'écoute. à l'écoute, par contre, non, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en fait. Non plus, donc, ouais. C'est peut-être un jeu de mots très fin. Ouais, voilà, certainement. Oui, passe un message, hein. Enfin, pas toi, il y a peut-être un petit clin d'œil. C'est parce que c'est battery qui, en fait, j'essaie de trouver quelle connotation entre les deux mots assault and battery il pouvait y avoir. Donc voilà, à creuser éventuellement. Alors, ils enregistrent donc un single nommé Legalize. En fait, comme son titre l'indique, en fait, ils voulaient, et ça a été très mal perçu, ils en ont fait les frais d'ailleurs. Ils voulaient tout simplement faire la promotion de la légalisation de la marijuana. Ah bah parce qu'on imagine qu'il met encore, même à l'époque, au début des années 80, était plutôt mal perçu. Donc on est toujours sur la fin de 80, hein, puisque Rostatou part encore en tournée, mais cette fois-ci en Europe, acclamé par le public qui venait de découvrir ce nouveau groupe. Après ça, donc après cette tournée, il retourne en Australie, enregistrer encore un nouvel album. Et cet album s'appelle « Scared for Life ». Et ça, c'est à mon avis, c'est le titre pour ne savoir pas vous parler à tous, mais pour tout le monde. Voilà, ça c'était donc leur nouvel album et le single ici de dernier album du même titre. Pas nouvelle. Pardon. Dernier album. Leur nouvel album de l'époque. Ah oui. Parce que je reste toujours. D'accord. Oui, pardon. 84. Il s'appelait donc Scared for Life. Alors là, c'était avec leur nouveau guitariste Robin Riley qui avait remplacé le guitariste précédent Mick Cox, qui était lui déjà parti pour un autre groupe. Alors à la suite de cet album, le groupe partit en tournée avec cette fois ZZ Top et Aerosmith aux États-Unis. Ils ont fait leur preuve, donc c'était donc bon. Voilà, donc c'est vraiment déjà un groupe bien reconnu, quoi. Évidemment. Tout à fait, oui, parce que pour tourner avec ces gens-là, Alors c'est, malgré tout, cette tournée n'a pas rencontré le succès majeur que le groupe escomptait avoir, mais en se laissant donc tout de même bien entendre dans la scène underground et surtout en Californie. C'est-à-dire qu'ils comptaient quand même percer beaucoup plus et davantage que ça. Bon, on était déjà en terre conquise. Fallait pas oublier qu'il y avait quand même Guns N' Roses qui était... Ah, ils étaient arrivés, voilà. Bah oui. Alors justement, puisque j'en parle, ainsi, il faut noter que le groupe Guns N' Roses reprit un de leurs titres sur l'album Guns N' Roses Lies. Mais par contre, le titre, j'ai zappé. J'ai oublié de regarder quel peut être cette reprise. D'accord. Donc voilà. Alors bon ben voilà, je vais passer principalement le dernier titre qui est normalement le plus connu, mais ça vous parle pas. Vous pouvez vous définir le titre. On va l'écouter. Non, on venait de l'écouter, c'est Tap for Life. Hein. Eh ben non, ça me parle moi. On va passer parle tous les pas, autres mais singles, après, mais sont insignifiants. Après, voilà, insignifiant, c'est pas insignifiant. C'est non, parce qu'on reste dans le même style. Non, mais je veux dire, faut pas vous attendre à trouver. Tiens, ouais. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas percé, c'est que c'est pas mal. Ça tient vraiment la route. C'est un super groupe régional. Excuse-moi, tu dis c'est sur l'album Lies, c'est ça? Ouais. D'accord. Je pense que ça fait partie des vraiment. Il y a très très bons groupes, même ici, locaux, régionaux, qui percent, qui ont un succès, qui remplissent des salles, etc. Mais c'est pas au niveau de Guns N' Roses, c'est pas au niveau d'ACDC qui ont simplement eu un Einstein un jour. Ils ont alors eu là, je suis pas d'accord avec toi. Oui, alors, il y a aussi une explication. Ils ont fait quand même la première partie de Guns N' Roses. Ouais, ils ont fait la première partie de ACDC. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une notoriété énorme et ils ont pas réussi à percer. Si je peux me permettre. Ah, mais vas-y, si je peux me permettre. C'est qu'on parle de bien d'un groupe australien. Oui. On parle d'Australie. Oui. D'accord. La population d'Australie, tu vois un peu le. En France, ok. Il y a des groupes en France qui réuniraient pas autant de gens. Oui. Je les connais pas. Non, non. Je connais pas forcément ce groupe-là. Je veux dire. Mais quand tu parles de l'Australie, quand tu vois la population d'Australie. J'entends voilà. Bien, mais aujourd'hui, imagine qu'un mec qui chante chez nous, un Français que tu connais pas. Mmh. La France est tout petite. Vient aux États-Unis faire la première partie de Prince. Ouais. Il se retrouve à faire la première partie de Mariah Carey, la première partie de Michael Jackson. C'est qui tient la route. Et là, c'est pas mal. Mais je pense qu'il y arrive un moment, le public, il n'est pas en adhésion. C'est que je pense que c'est super bien. Ils ont certainement cartonné, gagné de l'argent, rempli des salles, mais ils ne sont pas au niveau international. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et la question que je vais te poser, et je te retourne la question, et je me dis, aujourd'hui, ok, t'es peut-être pas un Michael Jackson, j'exagère, mais t'es un artiste américain qui marche très très bien et qui fait une première partie en Australie. Je pense que tu attaques beaucoup plus de public en Australie qu'aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme à l'Australie quand même. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est non, énorme. Non, c'est, ouais, j'entends. Voilà. Donc un groupe australien, quand il marche bien, c'est énorme. J'entends, mais si aujourd'hui tu mets ça coupe l'herbe sous une petite chanteuse française qui a, je parlais d'un ovni qui se trouve au premier concert de Johnny Hallyday en première partie, qui fait après Fury. Je te parle pas à Johnny Hallyday à Monument. Je veux dire, il y a un moment à la notoriété, c'est-à-dire que les gens là-dedans, il y a tellement de gens. Je comprends le nombre de la population des États-Unis. Je pense simplement, là j'entends, comme à un moment le premier titre, je le trouve excellent, il y a une guitare folk derrière, qui, on sent qu'ils y vont sur le ACDC, mais pas à fond, alors ACDC, ils ont mis un modèle de fou, c'est-à-dire nous on est des tueurs, on est des hardeux, on fuck the world. Ouais, mais après je crois que c'est une taille de... Ils étaient des vrais rebelles. C'est leur clientèle, quoi. Ils ont peut-être pas pris le... C'est la taille du public. En Australie, c'est énorme. Tu vois, ils ont mis le tatou, ils ont mis le crâne rasé, ils ont mis une musique agressive, mais ils ont peut-être pas mis le... Ils se sont pas défoncés la scène, ils ont pas cassé des guitares, ils ont pas été dans l'air du temps d'ACDC, Guns N' Roses, ZZ Top qui était beaucoup plus qui était déjà bien en place aussi et beaucoup dans plus un autre style, mais c'est du rock sudiste. Non, mais qui était déjà en place. Alors c'est ce que pour revenir et confirmer aussi, il y a ce qu'il faut voir aussi parce que ça j'ai déjà lu dans des critiques des chanteurs qui ont fait partie de groupes qui ont voulu faire une carrière solo, qui se sont essayés dans les années 80. Le gros problème, en Californie, il y avait déjà des groupes bien placés, qui étaient en terre conquise, qui avaient déjà fait leur trou. Le gros problème, c'est que, en venant de d'autres pays, comme c'est le cas là, l'Australie, ou alors même de gens qui veulent sortir, il y avait un format, en fait. On parlait bien d'un format calibré, rock FM californien. Tu me parles il fallait que ce soit Californie. Alors, on va parler j'adore, Boys, j'adore Guns N' Roses. Oui. Je pense que Cédric, que Sherlock va pas me contredire, c'est que Guns N' Roses c'était quand même bien calibré californien. Certainement. Voilà. Comme les Beach Donc c'est vrai Boys. Que par d'ailleurs contre, j'ai retrouvé la chanson des Guns N' Roses qu'ils ont repris de Rostatou. Ça Parce s'appelle Nice Boys. Okay. Alors écoutez, ça donne ça. Thank you. Voilà. Alors donc, je remercie Sherlock puisque bon, j'ai passé au-dessus tout à l'heure en faisant ma chronique. C'est, j'avais parlé tout à l'heure de la reprise des Guns N' Roses sur l'album Lies, avec ce titre Nice Boys, qui est un titre donc de Rose Tattoo qui datait de 78. Voilà. Et donc là, on vient d'entendre la reprise par les Guns N' Roses qui fait de l'album Lies. Alors on a l'impression que c'est un enregistrement public, mais en fait pas du tout. Ça a été fait en studio et les bruits de foule en fait ont été rajoutés. C'est un enregistrement studio, mais de plus en plus, plein de gens le font. Par contre, le petit aparté, tu vois, j'entends sa voix, c'est un ovni, Guns N' Roses. AC/DC, c'est un ovni, il est au-dessus, en tessiture de Balavoine, il est en train de chanter 4 heures comme ça, il a une voix, t'arrives même pas à le produire en aigu, et tiens, et c'est ça, ils avaient marqué par leur chanteur lead, tu vois ce que je veux dire, que l'autre il chante bien, mais c'est pas. Canon. Non, mais là, ce que t'entends, c'est ce qu'il vient de faire, c'est un phénomène. AC/DC, c'était des phénomènes. C'est d'ailleurs pour ça que le fin d'année dernière, lors de la tournée d'AC/DC, pour ne pas annuler la tournée qui était en place, c'est Axl Rose qui a pris la place. Ah bon ? Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Alors beaucoup de gens disaient, tiens, zut, il va remplacer. Mais non, pas du tout, il n'était pas question de ça. Mais j'ai pas compris. C'était bien, non, c'était bien pour terminer la tournée. Ouais, mais il n'y a nullement question que de... La pub est bien tournée là-dessus, comme s'il allait remplacer. Axl Rose n'a absolument plus la voix qu'il avait il y a 20 ans. Quoi. Ça n'a plus rien à voir du tout. Ça revient petit à petit. Mais c'est vrai que pendant, en fait, ils se sont séparés en 93. Slash a fait des albums solo avec Duff McKagan, le bassiste, et tout ça, et Chris Stradlin, et tout ça. Ça n'a pas vraiment pris, c'était plus underground. Axl Rose a dit pendant des années, ça a été l'Arlésienne, comme quoi ils allaient sortir un nouvel album, Guns N' Roses, mais lui il était tout seul, hein, donc il avait juste gardé le nom Guns N' Roses, et il disait qu'il allait ressortir un album qui est quand même sorti, qui s'appelle Chinese Democracy, qui est une bouse interplanétaire, pour moi. Non, c'est dégueulasse avec les bouses. Tu mets que la bouse d'ici. Le truc, c'est que Axl Rose a beaucoup grossi entre deux. Non, mais ça n'a rien à voir. Et alors, c'est pas grave. Carlos a toujours très bien. Le truc, c'est que ça a joué aussi sur sa voix, sur son souffle et tout ça. Et il est en train de se reprendre. Carlos, reviens sur Terre. Carlos. Reviens sur Terre. Le mec, c'est un cocaïnomane et on le sait très bien. Le mec, il a carburé à mort. Je l'ai vu en concert il y a 4 ans. J'étais content de voir Guns N' Roses. Je n'ai pas vu Guns N' Roses. Ah non. J'ai vu l'image de Guns N' Roses, Axl Rose qui vient et on est content. On le voit, il fait 50 kilos de plus. Et puis ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu écouter dans les années 80, fin des années 80. Oui, mais bon. Rien à voir. Et le mec, peut-être qu'il doit payer ses impôts ou n'importe quoi. Je suis super méchant. Hein. Je fais mon Mélenchon. Mais vas-y. Voilà. Mais quand j'étais le voir, j'étais super content de le voir parce que pour moi, c'était. J'adorais Guns N' Roses quand il est arrivé. Je parle pas du physique parce que le physique, on s'en fout, honnêtement. Quand il a commencé à chanter. Ça n'a absolument rien à voir. Voir. Mais je pense qu'un jour tu fais. Et tous les titres, tu fais un album à un moment et puis tu fais la scène de tout. En fait, le mec, il a bien vécu. Et puis après, et là, d'ailleurs, ils annoncent le retour et reformation de Guns N' Roses avec Slash. Tant mieux. Mais j'espère qu'il a, en tout cas, fait un effort sur le même Slash, je voir son jeu de guitare parce que, il faut savoir que l'alcool. J'ai pas qui jouaient très bien la guitare, qui se sont mis malheureusement notre sport, levé de coude. Ouais. Malheureusement pas qu'à la bibine. Ça pourrit le jeu. Slash, apparemment il travaille beaucoup avec Satriani. Satriani. Il travaille beaucoup avec Satriani et Satriani qui est quand même une perle au niveau de la guitare. Je pense que si. Puis Slash, avis, il a de quoi. Quoi. Alors justement pour terminer, on a Axel qui me faisait remarquer une chose. Apparemment il y a une autre explication pourquoi n'ont pas percé, comme on le disait, déjà pas. En terrain conquis, c'est que effectivement, je l'avais dit tout à l'heure, ils ont signé sur le même label qu'ils étaient d'ici, et c'est qu'apparemment, la maison avait déjà fait ses choix, évident, souvent. Pas prendre de risques, de mettre en avant, de faire des promotions pour pouvoir les positionner sur les grosses têtes d'affiche et de faire en sorte de les laisser certainement toujours en première partie de monstres comme entre autres AC/DC, voilà, pour pas leur faire de l'ombre. Voilà. Alors aujourd'hui, ben, pour conclure tout simplement, par rapport au dernier album là, dont j'ai passé un titre tout à l'heure, Scale for Life, 84 vont sortir un nouvel album qui s'appelait, enfin à l'époque, hein, je dis toujours, Sous and Stars, mais avec un line-up, donc une composition au niveau du groupe totalement différente, puisque à partir du moment où il y en avait un qui a commencé à se barrer, les autres ont suivi. Il faut savoir que la sauce à la pupille, c'était terminé pour eux. Anderson avait décidé de faire une pause pour tourner dans le film, entre autres, Mad Max. Ah bon, d'accord. Au-delà du Dôme du Tonnerre. Oui. Bah ouais, j'imagine. Ah, ouais. Voilà. Ils ont joué dedans ? Oui. Ah ouais. Hein, et donc après quelques projets divers qui n'avaient pas forcément à voir avec la musique, tout ça, simplement, les deux fondateurs du groupe originel, Anderson et Wells, ont poursuivi chacun de leur côté une carrière solo qui est assez sans suite, puisque ils n'ont plus réussi à percer comme beaucoup. Hein, c'est un petit peu un coup de poker là-dessus. Et en 91, malheureusement, Royal meurt d'un cancer, donc là il en était fini pour. Donc il ne reste plus qu'un. Voilà. Je pense que de toute façon, tu sais, quand l'âge passe aussi, c'est que on disait tout à l'heure avec Rémi sans famille, c'est la même chose, que tu sais plus apprécier de la même façon. Non, mais attends. Je vais te le dire. Sans famille. Je vais te le dire. Tu sais plus regarder Rémi sans famille, t'as plus l'esprit enfantin. Je crois que c'est pareil, c'est que l'esprit qu'on avait, nous, qu'on écoutait les années 80, c'est que t'as déjà le gars qui a une cinquantaine d'années maintenant qui veut recomposer. Il essaie de recomposer avec son vécu, son machin, son passé, des nouvelles chansons, il n'y arrive plus, donc il fait un truc plus intimiste et tout ça. Et ceux qui l'écoutent, qui l'ont toujours suivi, qui ont vieilli avec lui, ils se disent, moi je l'aime bien, mais par contre les chansons qui sont écrites, c'est pas ça qui les avait fait vibrer. Et je suis pas d'accord avec toi. Mais ici d'ici aujourd'hui, ça va te faire vibrer autant qu'il y a. Quand ils reprennent leurs anciens titres. Ah oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Ah pardon, autant pour moi. C'est-à-dire que là, ils ont essayé de reprendre avec une certaine carrière et une certaine maturité, une fois que t'as pas réussi à percer, que t'as pas été ici d'ici, tout ça. Vous arrêtez de vous faire toucher les tétons pendant que je parle. Cela dit, le dernier album qui était sorti il y a déjà un an, était même plus. Il est pas mauvais, je me rappelle plus du titre. C'était pas trop mal. Donc rappelle-nous le nom du groupe. C'était Rose Tattoo. Rose Tattoo. Et l'emblème, c'était effectivement un tatouage de rose. C'est ça que ça veut dire. Ça me parle. Ouais, voilà. Tu sais que là-dedans, parce que j'écoutais des musiques, c'est sympa, tu me parles d'un groupe que je connais pas, et ça me parle. Un gros plan. Une rose style tatouage. Rose du Texas. Rose délavée, un petit peu, etc. Style tatouage. Ouais, je suis assez d'accord. Ça me parle. Voilà. Je vous propose une petite coupure musicale. Le temps de remercier Flipkat quand même cette rétrospective donc sur Rose Tattoo. Moi je ne connaissais pas du tout et ça me parle pas, mais évidemment il y a quand même des inspirations AC/DC, on l'entend. Mm-hmm. Et même les inspirations Guns N' Roses, non, c'est l'inverse. Évidemment. Mais en tout cas merci. Et puis on va se faire une petite coupure musicale. Ils ont eu un bel hommage quand même. C'est Guns N' Roses a repris un album de Rose Tattoo plutôt que Rose Tattoo essayer de faire du Guns N' Roses pour exister. Ça, quand t'es musicien, c'est beau. C'est clair, mais c'est évident. Un bel hommage. Quand t'as une de tes œuvres qui passe par un des plus grands chanteurs. Mais tu sais, je veux dire qu'on pourra en parler des heures et des heures, mais il y a plein de gros. Ça me dérange pas, Mais Guns N' Roses a repris énormément de titres qui n'étaient pas de deux et qui ont super bien marché. Du Paul McCartney, entre autres, ils ont repris. Oh, il y a pas ça. Voilà, plein de titres. Classique des années 50, on en avait parlé. Bien sûr, j'adore cette chanson d'ailleurs. Inside Interview. Elle est magnifique. Il y a quand même quelques titres qui ont fait les succès de Guns N' Roses où ça n'a été que des reprises. Je suis d'accord. C'est pour ça que je voulais un peu là-dessus. Et j'irai même très loin parce que je suis sûr que Sweet Child of Mine, c'est aussi une reprise d'un vieux morceau qui a été retravaillé musicalement. Les paroles, non, mais peut-être, mais après voilà, après bien sûr quand t'as 60 berges, t'écoutes un morceau, tu dis bah ouais c'était une reprise, t'as 20 ans, tu sais pas que c'est une reprise. Aujourd'hui Guns N' Roses. Bah justement, je vais rebondir là-dessus parce que Remedy prévient. Mais il a rebondi. C'est The Harry Show ce soir. Donc tu disais. Donc je disais. Oui. Tu quoi? Au mois de juillet et août, il n'y aura plus de ciné rétro 80. Pourquoi? Parce que, comme c'est les vacances, je me dis, je suis en vacances de Ciné Rétro 80, et je vais faire d'autres chroniques. Ah bah c'est bien. Donc je vais faire une chronique sur les covers, justement. Ah oui. Ah c'est bien. Et donc ça tiendra, 2 semaines, parce que je vais vous faire les covers des années 80, Non, mais les covers, ont... qu'est-ce que tu appelles covers? Les reprises. Ah oui, d'accord. Les reprises de chansons qui ont été faites. De quoi? Pas des reprises régionales, je veux dire. Non. C'est par exemple des titres. Genre, mon voisin, mais il a repris. Non, c'est par exemple des titres. Tu peux lui couper son micro, s'il te plaît, trois fois. Donc, c'est des titres qui sont après les années 80, qui sont des reprises des années 80. Et je ferai une semaine suivante les titres des années 80, qui sont des reprises des années d'avant. Ouais, ça va être intéressant. On est preneurs, ouais. Ah ouais, moi j'adore. Je sais pas, j'hésite. Faut qu'il m'en reparle. De toute façon, t'as pas le choix, je le ferai. Donc, ouais, je m'en fous, je suis pas là en juillet. Voilà. Donc je ferai ça. Bon, là, je vous propose petite coupure musicale, voilà, justement avec les Guns N' Roses, avec l'une des toutes premières chansons qu'ils ont faites, c'est Welcome to the Jungle. Ah, j'adore. Ah ouais. Allez, c'est parti. Ah, c'est trop bon. Welcome to the J'adore Air, c'est excellent quoi. Welcome to the jungle, the Guns N' Roses. On est d'ailleurs, on parle de jungle, on est avec notre iguane à nous, Flip Cat. attends, Iggy Pop, iguane. Oui, ah, non, ça te va bien, dis donc. Bien sûr, on est avec notre panthère, Onessa. Et on est avec notre lion, évidemment, Canon. Et notre emmerdeur, Harry. Ah, tu peux. Il y a Sherlock aussi, hein, notre petit ourson à nous. Le petit ourson. Ouais. Non, Casimir. Ah, d'accord. Ouais. Comme Booba, quoi. Bah ouais, alors. Booba. Booba, mon petit ourson. Alors, il me fait penser, c'est le mec qui fait tous les lundis sur Télématin. Pas physiquement. L'énergie. Ouais. William Lémergie. C'est pareil. Oh non, il est pas pareil. Rapport. Il est méchant, lui. C'est bien ce jean. William Yacide. Hein. Et attention, it's now or never. Yeah. It's now. Ah, y a ça encore. Ah bah oui. Putain. Là, on va le faire très très vite. Parce qu'on est déjà à la bourre. Ah bah 20h40. On gère bien nos émissions. Quoi, c'est déjà la chronique. Mais on est en retard. Attends. On est en retard, R2, merde. Bon, allez, on va se dépêcher. Donc, j'imagine dans Star Wars. R2-D2, on est en retard, merde. Bah, excuse-moi, Skywalker, mais... Mimimati. Là, va te faire foutre, hein, Skywalker. Coupez son micro, vas-y. Mimimati, retire ton doigt, R2. Donc, je vais vous parler tout de suite des films pour demain, les sorties pour demain, avec le film All Eyes on Me, avec Demetrius Shipp Jr., Cat Graham et Jamal Woolard. C'est un film de Benny Boom. On n'a pas encore de date pour la France et c'est donc le biopic. C'est un biopic qui retrace la carrière mouvementée de Tupac. Tupac Shakur, le rappeur, poète et acteur américain assassiné en 1996 à l'âge de 25 ans. Attends, la bande-annonce a l'air très bien. Poète, ça me fait rire. Quoi. Non, bah, il... ouais, il est rappeur, mais poète. Il a peut-être écrit des poèmes à côté, hein, on sait pas. C'est comme Michael Jackson, il a écrit des opéras, mais ça on le savait pas, tu vois. Ça pue très bon ce film. J'ai vu la bande-annonce, moi j'aurais jamais vu ce film, ça a l'air d'être pas mal. Donc le film revient sur l'ascension de l'icône de la West Coast au début des années 90, un succès rythmé par ses tubes planétaires, ses arrestations et la concurrence avec les autres rappeurs de l'époque, à commencer par The Notorious B.I.G., son plus grand rival, lui-même assassiné dans des conditions mystérieuses. Tupac, il est mort, hein. Oui, il est mort. À Miami, je crois, non ? De mémoire, je crois qu'il était descendu à Miami, non ? Je sais pas. Faudra aller voir le film. Je sais pas du tout. Alors, ensuite, sort demain en Belgique et le 21 en France, Baywatch, avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario. Et c'est un film de Seth Gordon. Donc le maître nageur sauveteur principal, Mitch Buchanan, a trois nouvelles recrues dans son équipe cet été. L'une d'entre elles lui a été imposée par la municipalité, le flamboyant mais irresponsable médaillé olympique Matt Brody. Mis à part Mitch et Matt, l'équipe de sauvetage comprend également quelques ravissantes jeunes femmes et un geek. Ce méli-mélo est censé devenir une vraie équipe. D'autant plus qu'ils vont tomber sur un gros trafic de drogue qui s'approche dangereusement de leur cher Baywatch. Mitch Buchanan est contraint de s'associer à Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée. Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la baie. Alors, j'ai vu aussi la bande-annonce. Là, par contre, vous vous doutez bien qu'une bande-annonce est coupée par des professionnels qui sont pour faire la promo. Ouais. Ils n'ont pas réussi à trouver une seule trame dans l'histoire, dans la bande-annonce, où ils sont crédibles. Ça a l'air ridicule. Je veux dire, ils ont fait un remake de Miami qu'ils ont Beach, sorti machin. Ça complètement, la parodie. Ah, mais c'est. Ouais, mais. C'est vraiment ridicule, je crois que c'est parce que lui, je le supporte pas comme acteur, il est extraordinaire. Lequel? Dans certains films, Mr. Muscle, The Rock. Ouais. Il peut jouer dans son style de des films où ça va très bien avec les effets spéciaux et tout cadre. Là, ouais, ils ont voulu en faire un gentil qui a de l'humour machin avec ses muscles, ils ont voulu faire un remake de machin pour faire rire sur des trucs. La bande-annonce qui a été montée ne donne pas envie du tout. Par contre, Tupac que j'aurais jamais été voir de ma vie, c'est super bien foutu. Il y a aussi un truc cinématographique, c'est que la façon dont c'est filmé, là tu sens qu'il y a des trucs, c'est pas que sur les seins des filles, sur les machins, il y a des expressions du mec, on sent qu'il y avait une souffrance quand même, c'est un mec qui est venu de nulle part, c'est bien filmé, ça a l'air d'être un film qui va vraiment impacter, les dialogues ont l'air d'être bien et tout ça, je me tais. Mais enfin, moi je rajouterai un truc. Le tir commence. Non, mais non, je rajouterai un truc sur Baywatch. sur Baywatch, ok, c'est encore un remake d'un feuilleton. On a eu Starsky, c'est vrai, ah, c'est Miami Beach, Miami Vice, enfin j'en passais des meilleurs. Oui. Mais là, tu me parles de la version française en disant la municipalité, machin, on se trouve aux États-Unis à Malibu, quoi. Enfin, ça a été francisé à mort et je trouve ça à chier. Alors, donc ensuite sort en France, et c'est déjà sorti donc la semaine dernière en Belgique, c'était La Momie, avec Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis. C'est un film de Alex Kurtzman. Donc, bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d'un insondable désert, une princesse de l'ancienne Égypte revient pour foutre la merde, en fait. Hein. Ouais. Donc, ils ont repris pas mal de, des anciens films en clin d'œil. Ouais. Notamment La Tempête de Sable qui a la forme d'un visage, les choses comme ça. Ça, ça a été repris, donc, pour vraiment le clin d'œil, ça a déjà des bonnes critiques à voir maintenant. Bah, j'étais le voir, j'ai vu les bandes annonces. J'étais avec quelqu'un qui adore. T'as vu le film ou les bandes annonces ? J'ai vu le film. Et alors ? Et j'ai vu donc les bandes annonces avant et j'ai vu le film. Franchement, objectivement, ce que sait faire Tom Cruise, on l'aime ou pas, quand tu vois la distribution et tout ce truc phénoménal de la bande annonce, eux ils ont bien réussi la bande annonce. C'est d'une platitude ce film. C'est d'un ennui mortel, on se fait chier, tout est téléphoné, tout est, il y a rien de cohérent sur le je me suis fait chier, le jeu des acteurs, Cruise il est en dessous de tout, la nana qui lui donnera la réplique c'est une merde, pas possible, elle a même pas une paire de seins qui tient la route, il y a rien. Ah mais c'est a... la mamie que t'es. Non, c'est ça, la mamie, ouais. J'ai jamais vu. Alors au départ ça truc, le mec qui vient, ça, il y a son copain qui se momifie, qui vient, il tient pas la route, il disparaît du jour au lendemain, on sait pas pourquoi, il y a le pitch dans le film, à quoi ça tient, là on voit le truc arriver, on se dit de toute façon ça fait 5 fois qu'il nous montre le truc noir, on se doute bien que ça va arriver de là, ça vient de là, l'autre, c'est nul, on s'est fait chier comme des rats morts. Dans la voiture, c'est qu'est-ce que t'as pensé ? Ouais bah là j'ai pas aimé, en général les meilleurs, et moi je me suis fait chier comme un rat mort. Franchement, ils ont repris effectivement des choses à droite, à gauche, qu'ils ont essayé de remettre pour essayer de donner. C'est sûr, on recevra pas Tom Cruise. Non, non. Je lui dirais en face qu'il a été vachement meilleur. La Momie, par exemple, 1 ou 2, c'est pour moi, quand tu prends Les Aventuriers de l'Arche Perdue. C'est des comédies aussi. Et que tu mets, voilà, les trucs, mais ils ont réussi à faire ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même des effets spéciaux, il y a des trucs, je peux peut-être le deuxième ou le troisième, quand ils sont sur la voiture avec la course de char derrière, ou je sais pas quoi, là, vous savez, enfin, le deuxième, c'est super bien foutu. Là, c'est nul. À un moment, il y a une araignée qui pique un mec. Bon, il y a des petites lignes noires qui apparaissent. Le mec, ses yeux se révulsent et il appuie sur des ordinateurs. Le mec vient de couper le courant. Donc, on est sur un truc où tout le courant était coupé à la hache. Ils sont 300 en train de garder un truc qui est le pire mal incarné. Il y a Jekyll et Hyde qui apparaissent sous le forme de Russell Crowe, Gladiator 2. Parce qu'ils sont... Non, ils sont deux, hein. Parce que dans son costume, ils sont deux, putain, il a grossi, le mec, il ressemble plus à rien. Et il veut jouer les beaux gosses de Gladiator, et il est machin, il incarne Russell Crowe, il est en dessous de tout, il a pris son cachet, il s'est barré, et il s'est barré. C'est nul. Non, non, mais il est que... Il parle, ses lèvres... Sherlock, il est en train de descendre, là, tout d'un coup, il fait non, non, ses lèvres ne bougent pas, on entend les paroles en français, au moment où ça s'éteint, il commence à bouger les lèvres, le doublage est d'une chérie pas possible. C'est, franchement, ils auraient mieux fait de faire Rocco avec des pipes, au moins t'aurais entendu le bruit au même moment, quoi. C'est une aberration, ce film. D'accord. T'as autre chose à proposer là ? Ouais, Rocky. Oui, bah, je vais finir avec un film français. Donc, qui mais allez le voir, hein. Ouais, ça peut être bien. Donc, je vais finir avec un film français qui s'appelle Nos Patriotes. C'est avec Marc Zinga, Alexandra Lamy et Louane Emera. C'est un film de Gabriel Lebaumin. Ça sort également en Belgique demain. Donc ça se passe après la défaite française de l'été 1940. Un jeune tirailleur sénégalais qui s'appelle Adiba, qui s'évade et se cache dans les montagnes vosgiennes. Aidé par certains villageois, il va obtenir de faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore les résistants, il participe à la fondation du premier maquis dans la région. Avec ce groupe de pionniers, il mène de nombreuses actions clandestines. La résistance s'invente. Les Allemands, qui l'ont bien identifié et le surnomment le terroriste noir, le traquent sans relâche. Malgré cela, Adiba vit, aime et se bat durant 3 ans. C'est tiré d'une histoire vraie. Alors, je l'ai vu aussi. Non, je rigole. Il a changé de couleur. C'est une vraie merde. Je me dis, mais il a que ça à foutre que de passer ses journées au cinéma, lui. Non, non, non, non. Non, que c'est ça. Voilà, mais tu sais, tu sais pourquoi c'est, en plus c'est tiré d'une histoire vraie. On a la même culture, je suis objectif à mon style, mais j'essaye d'être objectif. La momie, j'étais payé pour aller le voir, on allait faire tout ça. J'étais là, c'était payé un pour film. Aller le voir. C'est-à-dire que ta femme, elle a payé ta place. J'ai payé, même pas. J'ai payé en fait pour aller le voir parce que je voulais prendre un vrai moment de plaisir en me disant, même si c'est américanisé, machin, etc. Je reviens sur ce film, c'est un bide complet. C'est en dessous de tout, c'est en dessous de tout. Pourquoi tu dis ça? C'est en dessous de tout, il y a rien, les effets spéciaux sont à chier, les trucs sont incohérents, les effets de lumière, les machins, les dialogues, les trucs, il y a rien. La momie? Bah du coup, écoute, la momie, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Ah, je suis d'accord. Je vais pas souvent au cinéma, mais là, pour le coup, le dernier, en fait, il m'intrigue un peu. Ouais, parce que c'est tiré le Patriote. Ouais, et pourquoi pas, parce que après, donne-moi le nom d'actrice. Alexandra Lamy et Louane Emera. Non, j'aime pas tellement Alexandra Lamy, mais. C'est Louane qui jouait est-ce dans. Est-ce que dans le film elle joue et toutes les 30 secondes ça fait tout tout tout tout tout. Je crois pas. Mais le truc de un gars une fille, c'est passé depuis longtemps quand même. Mais ouais, c'est vrai qu'on lui ressort souvent. Ouais, moi, franchement, je vois pas trop moi ce que j'irais voir. Honnêtement, Onissa, t'irais voir quoi? Ben, le Patriote, ouais, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, mais elle bon, sans. Ouais, mais ça veut rien dire, hein. Ça peut être très mal fait aussi. Hein. La momie, c'est tiré aussi d'une histoire vraie. Hein. Moi, je me rappelle ma momie, quand elle me disait... momie. À la fête de momie. Salut, momie. Philippe K, t'irais voir quoi? Oui, et puis il l'a déjà. Bah, écoute, s'il faut aller voir quelque chose, on va aller voir la momie. C'est ça qui gifle. Franchement, sincèrement, moi, Sherlock, j'aurais été voir la momie. Sans grande conviction. Mais c'est rigolo. Canon a dit. C'est rigolo. Je suis vraiment objectif. Va le voir et après te dire ce que j'appelle un bon film. Ouais. Tu vois, je viens de regarder très vite Signs. Ça vous parle avec Mel Gibson. Ah, il y a longtemps. Ça vieillit. Oui. Non, mais je viens de le revoir. C'était pas très. J'aimais bien. Bah, écoute-moi, c'était pas très très bon. Voilà. C'est que. Franchement, c'est excellent, tout, ça pouvait être très bien, et finalement, à la fin, tu te dis, oh là là, c'est désespérant avec l'enfant, et tout tourne autour de la mort de la femme, et tout ça. Ouais, faut pas spoiler le film. Non, mais la momie, c'est pareil, tu t'attends à un truc et tout ça, c'est plat, c'est chiant, y a rien qui se passe. Quoi. Voilà. Moi, je vais aller voir un film, j'aurai jamais, et je vais le voir jeudi, je vais voir, Tupac. D'accord. Tupac. C'est je vrai? Vais le voir, ouais. Parce que je suis convaincu. Off-Lef ou Off-64 Je vais le voir en VO. Donc ça s'appelle All Eyes on Me. Non, c'est une soirée film. Une soirée fille. Je suis invité. Tupac, ça m'étonnerait. Ah si, c'est une soirée fille. Bah si, justement, parce qu'il est tout le temps en ado en train de chanter. Et il y a Wonder Woman qui sort au Forever en soirée fille aussi. Et j'y serai. Ouais, elle va lui ressembler pas. Mais en Superman. Bah là, mais on va pas revenir non, dans non, le non, débat parce que non, la fois dernière. Et les gars, il y a 11h-10, donc il va falloir qu'on quitte l'antenne, évidemment. Le temps de remercier toute l'équipe, évidemment. Remercier notre ami Phil Cat qui nous a parlé donc des Rose Tattoo. Donc un groupe, ça vous a peut-être remémoré certains souvenirs, j'imagine. On remercie Canon aussi de sa présence. On le retrouve. Donc ce week-end. Donc le 24 week-end prochain. Le 24 juin, le week-end prochain. Ça, on sera le 17 le week-end qui arrive. Là, c'est la fête des pères en France. Donc voilà, le 24 à la fête de la Ducasse du Nouveau Monde, et au Touareg restaurant à Waterloo, c'est rue du Gauquier, etc. À partir de 20h, et je fais la dernière fois que je fais un set de 3 heures complet, les plus belles chansons des années 80 et romantique, c'est pure année 80. Ça marche. Voilà. Oui, donc à la Ducasse du Nouveau Monde, t'as pas dit de quelle heure. Je serai là vers midi, je chante, c'est selon les gens, ça sera pas de façon, j'ai deux prestats, midi et demi, 13h, je vais le faire c'est là. Moi je viens au Touareg, à une seule condition. Oui. Si tu me chantes, you prends bien soin d'elle de Barzotti. J'aurai pas le temps de l'apprendre, mais voilà. un petit mot par contre. On pourra balancer à deux. Alors. Un petit aparté parce que je lui fais de la pub, il a toujours été notre. Il en parle, c'est vrai. On parle du cinéma Forever, on y va très souvent. Si vous voulez voir la statue, je blague pas, c'est pas une imitation de Wonder Woman en taille réelle, de son moulage en latex complet, machin, peint à la main, etc. En taille réelle, c'est formidable. C'est encore mieux que le fameux restaurant dont on a parlé qui fait Hulk. Oui, sur le coin là. C'est encore encore plus réaliste avec les yeux en billes de verre, etc. C'est flagrant. Moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais putain, lâche ton bouclier. c'est impressionnant. Elle est en plein milieu du cinéma. Il faut y rentrer parce que justement, bah, ils ont mis deux affiches. Il faut y rentrer au moins dans la salle, pour acheter ses billets. Mais voilà. On la voit là, donc il faut au moins rentrer dans le Forever. Et il y a une représentation de Wonder Woman vraiment avec le bouclier en métal. Ouais, mais je trouve qu'elle ressemble pas. Enfin, bon, ça m'intéresse. C'est pas grave. Mais... Non, okay. Mais elle a des arguments, je pense. C'est vraiment pas grave. Ouais, elle a quelque chose dans le regard. Si on me disait que c'était Mimi. Profondément. Ouais, si on me disait que c'était Mimimati, ça me m'irait très bien. En tout cas, Onissa, merci également sur la petite rétrospective sur Rémi sans famille. Avec plaisir, c'était chouette. J'étais et puis, merci évidemment à Sherlock qui nous a fait donc le Rétrociné. Et qui nous a parlé de Rocco aussi très bien. Oui. J'en peux plus. On va terminer en musique. Allez, on peut pas se faire un petit ABC song ou Mais toi, t'arrêtes pas ce soir. On peut pas terminer, Harry. Bon, bah, c'est tout. T'avais prévu quoi? Ouais, j'avais prévu Taylor Dane avec Tell It to My Heart. Ah ouais, Tell It to My Heart. Voilà, c'est ça. Tu sais ce que tu devrais faire? C'est lui envoyer la musique dans le casque et le laisser chanter en micro direct et tu coupes la musique. Ah, j'adore Taylor Dane. Ah oui, Taylor Dane. C'est sa soirée. Allez, c'est parti. On se retrouve la semaine prochaine, même en antenne. Ciao. Allez, ciao.